Donc, on est présentement avec Simon Lévesque, docteur en études sémiotiques, stagiaire postdoctoral en sociologie au CELAT, Centre de recherche culture art société de l'Université Laval, et chargé de cours au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. J'ai bien dit les affaires? Oui, c'est exactement tous les titres que je cumule. Ce sont bien ceux-là. Merci pour la belle présentation. Ah, ça fait plaisir. Ben, salut Simon, j'espère que ça va bien. Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Peut-être faut dire qu'on se tutoie parce qu'on se connaît un peu. Oui, c'est vrai. On a étudié au cégep ensemble il y a des lustres. Plusieurs lunes, oui. Ouais. Puis moi, je suis content aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais quelque chose que je ne suis pas particulièrement familier avec, du moins pas de manière comme profonde ou précise, la sémiologie ou la sémiotique. Est-ce que je dis les bons mots ici? Ah oui, les deux sont bons. Effectivement, il y a peut-être... confusion parfois dans la façon d'appeler ce domaine d'étude. Bon, la sémiologie et la sémiotique désignent essentiellement la même chose, mais la question du nom donne lieu à certaines querelles sur lesquelles je pourrais m'attarder. Là. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne tout de suite à ce propos-là. Ben, juste pour être sûr de savoir de quoi on parle, si on pourrait avoir une définition de la sémiologie. Ou de la sémiotique? Ben, je pense qu'avant d'arriver à une définition, c'est pas mauvais justement de démêler les appellations. Ça va peut-être nous amener à mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, effectivement, on peut parler de sémiologie, de sémiotique, éventuellement d'études sémiotiques. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, la sémiologie, hein, elle est formée donc de sémio et de logie. Sémio désigne, plutôt vient du grec ancien séméion qui désigne les signes. Okay, donc, et logie, on comprend assez instinctivement, là, donc c'est la science ou l'étude ou la logique, donc la science des signes. Le terme sémiologie a été proposé par Ferdinand de Saussure, qui était un linguiste suisse, qui est mort là, il y a plus de 100 ans, hein, donc est mort à l'orée de la Première Guerre mondiale. Et Saussure, lui, entrevoyait la possibilité de fonder un domaine scientifique là, proprement dit, suivant finalement la logique disciplinaire de l'université qu'on connaît. Hein. Les sciences sociales, mais toutes les sciences, au tournant du 20e siècle, se sont beaucoup spécialisées, et puis donc la sémiologie emboîtait-elle pas à cette tendance-là. Mais la sémiologie en tant que science s'est jamais vraiment concrétisée, c'est-à-dire que elle a existé, elle continue d'exister, mais elle n'existe pas exactement comme existerait la sociologie, par exemple. Donc, dans un deuxième temps, il y a le mot sémiotique, qui, lui, vient de l'anglais « semiotics », hein, donc façon anglophone de nommer les domaines d'études. Le terme vient en particulier des travaux de Charles Sanders Peirce, qui était un philosophe états-unien, mort lui aussi à l'orée là, de la Première Guerre mondiale en 1914. Alors, en fait, les deux personnes que je viens de nommer, Ferdinand Saussure et Charles Sanders Peirce, sont considérés généralement comme les deux pères de la sémiologie ou de la sémiotique, on va dire de la pensée sur les signes moderne. Alors en français, la sémiotique désigne de façon générale la pratique de l'étude des signes ou le champ de compétences afférent à une telle étude. Okay, donc, comme je le disais d'entrée de jeu, il y a une querelle sur l'appellation. Et puis, pour faire court, dans le jargon, pour ceux qui ont étudié en sémio, hein, justement, on dit sémio. On ne se complique pas la vie. Bon, il y en a qui vont trouver que c'est péjoratif, mais en fait, moi, je ne vois absolument pas de motif péjoratif ici. Là, on dit sémio pour pas faire dépasser son jupon d'un côté ou de l'autre. Parce que, finalement, selon qu'on choisit d'appeler ça de la sémiotique ou de la sémiologie, ça va dépendre pas mal de son, disons, de la tradition dans laquelle on s'insère, de son allégeance théorique, en quelque sorte. Une question d'approche, peut-être, aussi? Ben, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sémio, elle n'est pas très disciplinaire. Hein. Je disais qu'elle ne s'était pas constituée comme une science, comme peut l'être la sociologie, l'anthropologie, etc. Bon, ces sciences-là, ces domaines d'études, elles ont des traditions disciplinaires très fortes, avec des institutions là, que ça suppose aussi. En sémio, il y a bien sûr des institutions, mais il n'y a pas de département d'études sémiotiques. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, du moins. Il y en a un à Montréal, qui, bon, c'est pas exactement un département, mais il y a un programme en bonne et due forme. Et puis, il y en a un en France, et puis, il y en a un en Italie. Et puis, en Amérique du Sud, ça commence à prendre pas mal de traction, mais bon, après ça, il y en a un en Estonie aussi. Et puis, c'est pas mal ça. Le reste, la sémio, c'est beaucoup à travers d'autres disciplines qu'elle va être étudiée. On aura l'occasion d'en parler plus en détail plus tard. Donc, comme je l'ai dit, la sémio, elle se greffe souvent à d'autres disciplines dans un rapport, évidemment, interdisciplinaire. Et je pense que c'est une des choses qui fait sa force. Donc, généralement, comme tu le disais, elle va constituer une approche particulière qui peut être adoptée pour étudier un objet défini. Et là, évidemment, les objets qui peuvent être étudiés sont très vastes, et puis on pourra préciser ça plus tard. Ok, mais juste une petite question pour préciser. Je sais pas si tu vas y en venir bientôt, mais quand on dit l'étude des signes, on parle de symboles ici. Non, non, non. Ben oui et non. Le symbole est un type de signe. Donc oui, mais non au sens où, par exemple, je sais que pour avoir déjà travaillé dans une librairie très commerciale, un des livres qui était bien vendu, c'était le dictionnaire des symboles. Et là, ça, j'oserais pas dire que c'est de la sémio au sens où c'est beaucoup un ramassis de toutes sortes de connotations, inférences, parfois de croyances aussi sur bon, des associations entre certaines images, certaines métaphores, certaines et des pensées, bon, comme je dis, des croyances, parfois mythologiques. Donc la sémiotique, elle vise pas à, disons, à produire un dictionnaire là, comme ça d'associations générales. Elle est vraiment plutôt une étude qui va être ciblée sur des objets définis. Et qui va chercher donc à comprendre les processus de signification situés. Donc, on ne cherche pas des significations universelles, hein, on cherche évidemment toujours des significations situées, contextualisées, historicisées. Voilà. Ok, parce que on regarde quelque chose, puis la signification qu'on lui donne dépend du contexte dans lequel on vit. Oui, ben on va y venir, peut-être une chose à la fois. Là. Je pense que non, mais c'est une bonne question. Mais avant de définir vraiment des concepts fondamentaux, je pense qu'on peut finir peut-être de placer un petit peu la question du domaine d'étude et départager encore une fois la question entémologie sémiotique. Hein? Donc j'en étais à dire que la sémio, elle se greffe à d'autres disciplines et elle va souvent être une approche. Hein? Donc selon les disciplines, on va parler plus souvent de sémiologie ou de sémiotique. Par exemple, dans les études littéraires, on va parler plutôt de sémiologie, la tradition française où il y a eu des représentants assez forts de ce courant de pensée, hein, continue de perdure à ce jour. On peut penser là à déjà, Ferdinand de Saussure était lui-même francophone, bon, suisse, mais son importance au sein de l'université française est là. Il y a eu aussi, évidemment, Roland Barthes, que plusieurs personnes connaissent encore à ce jour. Roland Barthes a été... Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ris, on est en Zoom en ce moment et Gabriel me présente un livre de Barthes, là, à l'écran. C'était les mythologies, c'est ça? Ouais, mythologie. Ouais, un livre assez connu et qui a connu aussi des reprises là, à plusieurs occasions. Oui, effectivement. Donc, Barthes a beaucoup travaillé pour actualiser la sémiologie dans l'université française. Il est d'ailleurs à l'origine d'un domaine d'études là-bas qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication, qui est largement celui-là qui fait encore exister la sémio aujourd'hui en France, mais pas uniquement. Alors, comme je le disais, si on est en études littéraires ou en psychanalyse avec Lacan, hein, donc on se place finalement beaucoup dans l'héritage structuraliste, là, et à ce moment-là, on aura tendance à parler plutôt de sémiologie. Si, en revanche, on se revendique plutôt de l'héritage pragmatique, issu donc de la philosophie américaine, on aura plutôt tendance à revendiquer faire de la sémiotique. Alors, pour ma part, j'aime parler d'études sémiotiques au pluriel. C'est un nom qui me paraît plus englobant et moins restrictif. Et puis, il est calqué sur d'autres champs d'études qui sont aussi très larges, par exemple les études culturelles, communément appelées les cultural studies. Donc, on peut en arriver à donner une définition des études sémiotiques. Je trouve que c'est plus facile de définir les études sémiotiques que la sémiologie ou la sémiotique. Alors pour moi, c'est une définition de mon cru, mais je pense que plusieurs sémioticiens et sémioticiennes s'accorderaient à ça. Alors, les études sémiotiques traitent des signes et des médiations au moyen desquels les êtres vivants communiquent, interprètent, organisent le monde symbolique et pratique dans lequel ils évoluent au quotidien. Là, si t'as une musique, c'est le temps de la merde. Non. Plus sérieusement, donc, une fois que j'ai donné cette définition-là, ce qui est évident, c'est qu'on se retrouve avec au moins deux concepts fondamentaux, hein, celui de signe et celui de médiation. Mais j'ai aussi évoqué quelques verbes d'action, là, communiquer, interpréter, organiser. Alors, si on ajoute que cette activité, communiquer, interpréter, organiser, se passe dans le monde que j'ai défini comme symbolique et pratique, dans lequel on évolue, nous, les humains, au quotidien, hein, si j'ai donc ajouté que ça se passait dans le monde, c'est pour mettre l'accent sur deux ou trois choses qui me semblent fondamentales, mais qui vont pas nécessairement de soi. Alors, deux ou trois choses, peut-être quatre, on va voir. Le monde dans lequel on évolue, il est fait de la somme des interactions qui prennent place au quotidien. On voit qu'on pose des choses fondamentales. En deux, dans ce monde-là, les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur environnement par le biais des signes. On va en venir à définir ce qu'est un signe. Et donc, si ils interagissent entre eux et avec leur environnement par le biais des signes, ça implique trois, qu'on connaît ce monde essentiellement à travers les signes ou par leur médiation, par leur entremise. Et donc, ça nous amène à mon quatrième point, ce monde d'action et de sens commun s'organise selon deux plans finement imbriqués, hein, un plan pratique, puisque, comme je l'ai dit, bon, on est avant tout on pourrait dire des animaux bien savants, mais des animaux agissants, hein, ou on pourrait dire aussi des agents sociaux, si tu préfères, un vocabulaire sociologique. En tout cas, on est des matérialités animées. Et puis, donc, plan pratique, hein, on agit dans le monde. Et puis, deuxième plan, le plan symbolique, hein, parce que, évidemment, le sens commun du monde, il est largement défini par tout un ensemble de faits de nature idéologique. La langue, la morale, les lois, les institutions politiques, l'école, la famille, la religion, les arts, etc. Tout ça, c'est pas très matériel. Tu vas être d'accord avec moi, je pense. Donc, ces deux plans-là, pour les marxistes qui nous écoutent, ils vont les reconnaître. Hein. On peut très bien les situer dans un schéma là, dialectique, somme toute classique, qui met en vis-à-vis deux plans du monde, le plan matériel et le plan idéologique. Hein. Bon, des plans que Marx appelait évidemment l'infrastructure ou la base matérielle, et puis la superstructure, qui est le lieu d'élaboration, de maintien des idéologies. Hein. La question est de savoir comment ces deux plans-là interagissent entre eux. Et puis, plus simplement, on peut même se demander, finalement, puis ça va nous amener à s'interroger sur la nature du signe, hein, comment ça se fait qu'un certain son, c'est-à-dire un mot, ou qu'une certaine séquence de sons, hein, une phrase, parvienne à communiquer une idée. Après tout, les sons, ce ne sont que des vibrations dans l'air, qui sont modulées selon certaines fréquences, avec certaines inflexions. Hein. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on passe du plan matériel au plan symbolique? Comment des phénomènes physiques, une vibration dans l'air, en viennent à signifier quelque chose qui est, il faut le dire, complètement étranger au phénomène lui-même? Tu vas être d'accord avec moi que, par exemple, les sons ar et bre n'ont rien à voir physiquement avec un arbre. Les langues naturelles ne sont pas faites d'onomatopées. Alors, ça existe. Hein? Par exemple, zip. On sait que ça vient d'une fermeture éclair. On peut imiter le bruit. Donc là, il y a un rapport d'imitation du son entre la réalité matérielle et le mot. Mais c'est une onomatopée. La langue n'est pas faite d'onomatopées. Qu'une série de voyelles ou consonnes, que des sons ont un veulent dire exactement quelque chose. Parce que il y a plusieurs mots dans différentes langues avec différentes manières de prononcer qui veulent dire arbre, admettons. Ben oui, c'est ça, finalement. Entre arbre, tree et... ma connaissance des langues est limitée, mais on pourrait imaginer une autre langue avec un autre mot, là, pour dire la même chose. En japonais, Simon. Le japonais, c'est pas mon fort. Bref, la traduction montre cette évidence-là. Hein? Une même série de sons va désigner le même concept, la même idée. On peut pointer du doigt un cheval, et puis quelqu'un, sais pas moi, un Espagnol, là, cette fois, il va pouvoir nous dire caballo. Bon. Et pourtant, horse ou cheval ou caballo, c'est trois mots qui sont tout à fait différents, qui désignent une même réalité. Hein, donc, il n'y a pas de rapport là, de cause à conséquence concret entre les sons de la langue et les concepts que ces sons désignent. Et c'est là que va intervenir finalement le signe. C'est-à-dire que cet exemple-là met en évidence une la nature du signe. Et puis, on pourrait en donner quelques définitions assez classiques qu'on pourrait expliquer après. Mais la définition la plus répandue là, du signe, c'est finalement qu'un signe est une chose qui, de par sa nature, évoque l'idée d'une autre chose. Alors, c'est très abstrait, hein, puisqu'il est question d'une chose et d'une autre. Bon, en fait, un signe est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelques rapports ou à quelques titres. C'est vraiment des définitions classiques. Hein. La première définition, c'est celle qui nous vient là, du Moyen-Âge, qu'on attribue généralement à Saint-Augustin. Donc en latin, on dit « aliquid stat pro aliquo », une chose tient pour une autre chose. La deuxième définition, c'est celle de Charles Peirce. Bon, traduite évidemment, là. Mais finalement, Peirce nous dit la même chose. Un signe tient lieu pour quelque chose d'autre, mais d'un certain point de vue, finalement, hein, pour quelqu'un ou à quelques titres. Donc, il va ajouter cette nuance-là qui va situer le signe du point de vue de celui qui l'interprète ou de ce qu'il va appeler un interprétant, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours humain. Hein, on peut éventuellement imaginer que des machines ont la capacité d'interprétation. Mais j'imagine quand il parle de quelque chose qui n'est pas nécessairement humain, il veut dire aussi... Je ne sais pas si c'est lui qui a sorti l'exemple de la tique. Non, ça c'est Jacob von Uxquell. C'est un biologiste germano-balte et qui est très important en fait pour le courant de la biosémiotique aujourd'hui. Je ne sais pas si on va se rendre à parler de ça, mais c'est un super bon exemple. Là. La tique a un environnement signifiant extrêmement limité. Hein. Elle se limite à essentiellement sentir des chaleurs et des frottements, si je ne me trompe pas. Et puis, pour se reproduire, il faut qu'elle monte sur des tiges le long des chemins, là où des animaux passent. Et puis, elle peut rester là longtemps. Puis le seul signal qu'elle attend, c'est donc le signal qui lui indique qu'un animal passe là. Et là, elle va se laisser tomber. Puis elle va évidemment s'agripper dans le pelage de l'animal. Et puis donc, c'est de cette façon-là qu'elle va pouvoir se reproduire. Donc ce que von Uxquell a montré, c'est justement que finalement, le monde signifiant, l'environnement signifiant de la tique était extrêmement limité, mais néanmoins tout à fait fonctionnel. Existant aussi. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, chaque être vivant, chaque espèce, a des affordances différentes. Par affordance, on entend finalement... Bon, il y a une traduction française qui a été proposée, là, qui invite, le mot d'invite. C'est-à-dire qu'on est invité à percevoir le monde différemment selon, finalement, l'appareil sensoriel qui est le nôtre. Hein, donc, celui de la tique est... Bon, je viens de le décrire, celui des humains, il est autrement complexe. Et puis, c'est ça, la biosémiotique s'intéresse beaucoup à essayer de décrire les appareils sensoriels, finalement ce qu'on peut appeler l'appareillage sémiotique des différentes espèces pour comprendre comment s'organise justement notre rapport au monde. Le rapport au monde des espèces. Mais c'est toujours bon de se décentrer de l'humain pour essayer d'aller voir un peu comment les autres fonctionnent. Est-ce que tu avais d'autres définitions à nous offrir? Oui, on va revenir dans l'abstrait. Une autre définition qu'on peut donner, c'est un signe est un médium de communication d'une forme. Encore une fois, très très abstrait, mais ça a l'avantage de mettre au centre là, l'idée de médium. Hein. Médium étant une chose qui est entre les deux, donc intermédiaire. Encore une fois, ça met en exergue l'idée de médiation. Et aussi de communication, c'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'un signe est là pour communiquer quelque chose. Et un signe n'existe que, justement, s'il est perçu comme véhicule d'une communication. Bon, si on dit communication d'une forme, c'est simplement pour être encore plus abstrait, puisque les sémioticiens, ils aiment bien ça, faire des généralités, des définitions qui s'appliquent à tout et à rien. Après, on peut appliquer ça, puis montrer avec des études de cas comment ça s'applique. Je pense que c'est le projet aussi de notre entretien. On va en venir à parler éventuellement d'un cas qui, à mon sens, est vraiment exemplaire pour justement montrer comment la sémiotique peut vraiment nous aider à comprendre des problèmes concrets, là. Je ne sais pas si on peut le dire, on annonce où on s'en va tout de suite. Oh oui. Bon, alors dans quelques minutes, on parlera du problème de la communication dans la longue durée. Par longue durée, on entend des dizaines de milliers d'années. Autour d'un problème qui est très, très tangible, l'enfouissement des déchets radioactifs qui sont causés par nos centrales nucléaires. Donc, on va voir que ça implique pas mal de problèmes. Donc, si je peux donner une dernière définition, on peut encore dire qu'un signe représente autre chose que lui-même. Et, il faut dire ce qu'est une représentation est toute chose qui tient lieu ou est représentée comme tenant lieu d'une autre, par laquelle cette autre est telle que quelque chose peut en tenir lieu, qui peut tenir lieu de la représentation. Bon, ça c'est le langage tout en circonvolution là, de Peirce, mais traduit en français. Alors, pour ceux qui ont déjà lu du Peirce, c'est toute une aventure, c'est vraiment fascinant. Donc, si je veux essayer de faire un résumé, moi, ce que je comprends, c'est qu'essentiellement, il y a un signe qui est émis par quelque chose, un être qui est capable d'émettre un signe. Ça, ce signe-là, c'est un petit paquet d'informations. Mais je voudrais peut-être préciser même que, parce que tu as dit que c'est un être qui émet, il faudrait peut-être savoir ce que tu entends par être, parce que ça n'a pas nécessairement besoin d'être vivant. Ouais, ça peut être un haut-parleur. Oui, mais ça peut être une longueur d'onde, tu sais, qui donne une certaine couleur, une certaine qualité à une roche qu'on observe qui, sous une certaine lumière, va nous apparaître plus grise ou plus blanche ou plus... cette longueur d'onde-là, elle est finalement une affordance, hein, une invite à percevoir le monde. C'est vraiment une question de phénoménologie. Mais dans le fond, ça, c'est un signe aussi. C'est une manifestation phénoménologique à partir de laquelle une interprétation peut s'enclencher. Alors évidemment, l'interprétation, elle est assez sommaire, là, parce qu'on a tous vu des roches, et puis c'est pas tant la roche qui va nous intéresser dans l'exemple que je donne, plutôt que « Ah, pourquoi est-ce que soudainement elle m'apparaît plus blanche alors que tout à l'heure elle semblait grise? » On va commencer à se poser des questions sur, justement, l'éclairage, est-ce que ça peut être dû à ça, le couvert nuageux, aller savoir quels autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte. Mais l'important, c'est que le signe, c'est un genre de paquet d'informations qui va être perçu. Oui. Qui fait surgir l'idée de quelque chose. Essentiellement, c'est ça. Il y en a qui voudraient encore couper le cheveu en quatre et dire que le signe, c'est pas le paquet d'informations. Le signe, ce n'est que le moyen de te faire parvenir cette information-là. Mais là, on commence à être dans les subtilités là, scolastiques, là. Ah, c'est bon. Moi, j'ai essayé de faire un résumé pour les personnes qui comme sont néophytes, là, comme moi. Ben, on peut très bien résumer. Je pense qu'on commence à comprendre l'idée. Tu es capable de le résumer, donc ça me semble assez intelligible. On va te prendre en tant qu'animateur comme le public moyen. c'est ça. L'idée générale, c'en est une de substitution et de représentation. Hein, ou de prise en charge d'un contenu signifié par une manifestation signifiante. Et puis, tout de suite, si on dit ça, on voit que le concept de signe, il est lié de façon irréfragable au principe de la médiation. Hein, un signe produit, dans tous les cas, une médiation. Et on peut définir la médiation comme l'action transitive par laquelle un médium ou un signe véhicule un contenu de signification dans une situation déterminée. On peut ajouter que chaque médiation est unique et singulière, puisque chaque fois, le signe est interprété de façon située. Et puis, bon, il faut bien voir que si le signe implique toujours une médiation, et ce en raison même de son fonctionnement, il implique aussi donc une interprétation. Le signe s'adresse à quelqu'un ou, bon, à quelque chose, et son décodage, ou le fait qu'il doive être interprété, fait partie intégrante de son action. Et ça m'amène à parler du dernier volet là, de ma définition, la définition que j'ai donnée plus tôt. Hein. Si tout notre rapport au monde s'effectue par l'entremise des signes, alors ce monde, il nous est donné toujours qu'à travers l'interprétation qu'on fait de ces signes-là. Et cette action interprétative, qui, il faut le mentionner, est un processus continu, hein, plus ou moins conscient, il est le principe organisateur même de notre monde. C'est-à-dire que notre connaissance du monde s'organise nécessairement en raison de la difficulté, de la faculté qu'on a à interpréter les signes et les signaux en provenance de notre environnement, et donc en provenance également des autres êtres vivants qui cohabitent dans cet environnement-là. La façon la plus élémentaire, c'est une question de survie aussi, hein. En biologie, on dit souvent il faut pouvoir reconnaître ce qui représente un danger, hein, et puis on peut avoir trois attitudes face à des sources de danger, hein, le fameux fight or flight, on va combattre ou on va se sauver, ou on peut aussi ne rien faire. Hein, des fois, ne rien faire est une bonne solution. Alors, comme je disais, bon, les études sémiotiques traite des signes et des médiations au moyen desquels les êtres vivants communiquent, interprètent, organisent le monde symbolique et pratique dans lequel ils évoluent au quotidien. J'ai redit ma définition, elle aura été dite deux fois plutôt qu'une. Mais je pense qu'on comprend mieux maintenant pourquoi les études sémiotiques sont si peu disciplinaires, voire même indisciplinées. C'est en raison de leur objet même, les signes. En raison de cet objet-là, elle s'occupe virtuellement de tout, en fait, puisque tout est un signe potentiel. Pour illustrer cette totalité, si on veut, Umberto Eco, que plusieurs connaissent pour son roman là, Le nom de la rose, mais qui pour moi fut surtout un très grand sémioticien de l'âge moderne, Umberto Eco avait une formule intéressante pour définir ce qu'est une sémioticienne, un sémioticien. Il disait « Une personne normale se promène dans la rue, elle voit des gens, des boutiques, des adresses, des enseignes, des animaux peut-être, bref, elle voit des choses. Un sémioticien, une sémioticienne va se promener dans la rue, elle voit des signes. C'est-à-dire que cette personne-là va voir comment tout communique, comment tout se donne à interpréter, comment chaque chose contient virtuellement une information qui attend d'être décodée. J'aime pas trop cette analogie-là, mais je pense que ça va te plaire parce qu'on va parler de cinéma. Je l'aime pas trop, mais je pense que d'une certaine façon, elle peut faciliter la compréhension. Je parle pas là, de l'exemple de Echo, mais de celui dont je m'apprête à parler, c'est-à-dire du film La Matrice. Mais seulement le premier, on va s'en tenir à celui qui est bon. Donc, il y a dans ce film-là une idée selon laquelle le monde serait une simulation. La Matrice, elle est représentée visuellement par des lignes de code verticales qui se présentent là, en vert sur un fond noir. Je pense que beaucoup de gens sont familiers avec cette image-là. Tandis que tout le monde voit des lignes de code, le héros de l'histoire, Neo, lui, il est capable de voir à travers le code, en quelque sorte. Il voit à quoi réfère le code, soit la réalité tangible à laquelle le code donne lieu. Quand Eco explique la différence entre une personne normale, bon, entre guillemets, là, et un sémioticien, la personne normale qu'il décrit, c'est pas celle qui voit les lignes de code, mais plutôt celle qui serait dans la matrice, hein, et qui ne verrait que ce que ce monde bien lisse-là lui donne à voir, sans s'interroger finalement sur la façon dont ce monde lui est donné à voir, à sentir, à expérimenter. Quant à lui, le sémioticien, il n'est pas en dehors de la matrice comme Neo. Il est, comme le commun des mortels, le prisonnier du monde, malheureusement, Gabriel, comme toi et moi. Mais le sémioticien va, en quelque sorte, voir derrière les apparences. Du moins, c'est sa volonté. Il s'intéresse à la façon dont l'information elle est codifiée, hein, comment le sens est véhiculé. Autrement dit, son travail, c'est de s'interroger sur les différentes façons dont le monde et toutes ses composantes, de façon générale et dans toutes sortes de domaines plus particuliers, produit du sens. Cependant, donc au risque d'en décevoir plusieurs, je dois dire que les études sémiotiques ne procurent aucun des pouvoirs extraordinaires dont est doté Neo. Non! Donc là, j'ai dressé un portrait assez exhaustif, si on veut, du monde des signes, de ce qu'est un signe, de la médiation. Il y a peut-être encore deux concepts sur lesquels je pourrais m'arrêter pour compléter le portrait. Le premier concept, il nous vient du sémioticien russe Yuri Lotman, et c'est le concept de sémiosphère. Alors, Lotman a inventé ce concept-là pour parler de la sphère d'activité de la signification. Donc, j'imagine que plusieurs des auditeurs sont familiers avec les concepts de géosphère et de biosphère. Il y en a une à Montréal, d'ailleurs. non, mais la vraie biosphère, là, pas le monument. Alors, bon, on peut imaginer, sur le même principe, une couche supplémentaire, hein, la sémiosphère, qui correspondrait finalement à cette strate du monde où se joue le sens. Deuxième concept sur lequel je vais me limiter à évoquer, c'est un concept qui nous vient de Charles Peirce, et c'est le concept de sémiose, que plusieurs appellent parfois aussi sémiosis. Echo parlait de sémiosis. Mais bon, ce concept-là, il l'a repris à Peirce, il nous vient de Peirce. La sémiose, elle désigne le processus continu, hein, d'interprétation et d'entre-engendrement des signes. C'est-à-dire que ce que ça essaie d'expliquer, c'est qu'on ne fait jamais qu'élaborer du sens à partir de signes, et ce sens qui s'élabore, hein, produit lui-même de nouveaux signes qui seront le socle de nouvelles interprétations, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque nouvelle interprétation donne lieu à un nouvel ensemble de signes qui pourra faire l'objet à son tour d'interprétation, etc., etc. Pour Peirce, et là c'est là où, dans la conception de Peirce, la sémiotique est vraiment une force cosmologique, là. Pour Peirce, tout le monde, tout l'univers est finalement est le résultat d'une énorme sémiose. Ouais, mais ça me fait penser aussi, c'est moins cosmologique, c'est à plus petite échelle, mais je l'ai pas lu au complet, là. Peut-être juste lu la première page, mais simulacre et simulation, où comme il y a des signes qui remplacent la réalité constamment, puis comme la réalité de certaines choses n'est plus accessible. C'est pas exactement la même chose, mais je pense que... Oui, d'ailleurs, ben dans La Matrice, il y a un petit caméo de simulacre et simulation, hein, de Jean Baudrillard. Par contre, si je me souviens bien, Baudrillard peut dénoncer l'utilisation de son livre dans cette condition-là, dans ces circonstances-là. Pour lui, La Matrice, ce n'est pas une illustration de ce qu'il essayait de dire là, dans son livre. Mais bon, on fait bien ce qu'on veut des livres. Hein. ben quoi. Oui, c'est de façon générale, à partir du moment où on dit que le signe opère par substitution, ben oui, on peut dire que finalement, il nous éloigne en quelque sorte d'une réalité ou du réel. Mais de ce point de vue-là, c'est une condition inéluctable, c'est-à-dire que ce réel, il serait inatteignable autrement. C'est la bonne vieille caverne de Platon, je pense. Ben, un peu. Et puis, ben, là, après, on peut avoir différentes allégeances là, métaphysiques ou adopter différents systèmes ontologiques pour se demander si, finalement, est-ce qu'effectivement on est jamais en contact avec le réel, mais toujours avec une réalité construite et fabriquée, hein, donc qui serait faite de signes. De ce point de vue-là, les signes constituerait une sorte de doublure du monde, ou bien est-ce que on adopte justement une position plus réaliste et qui serait de dire, puis c'est la position de Peirce et la mienne aussi, qui serait de dire que finalement le monde il est fait de signes et ce réel là c'est le seul qu'on connaît et il est tout à fait tangible. Il faut juste accepter que il est effectivement véhiculé par des signes, mais il est pas moins, il est pas plus faux, il est pas moins inaccessible là, si on considère de ce point de vue-là. Ouais, mais je vais pas offrir une contrepartie parce que je suis pas assez connaissant, mais ça me fait juste penser à... T'as mentionné au début que c'est une question de survie, mais le monde pour la plupart des êtres vivants, c'est la conscience produit un modèle mental de la réalité, puis ce modèle mental-là nous aide à naviguer le monde et à survivre. Mais ce modèle mental-là est meublé par les interprétations qu'on fait des signes. Puis par notre propre Umwelt, j'imagine, pour revenir à Oui, Umwelt, il faut peut-être le définir, là, monde propre, monde perceptuel. Oui. Oui, ben, en fait, tu comprends très très bien, hein, puis il me semble que finalement tu serais plutôt à tendance persienne, dans la mesure où justement Peirce était très très influencé là, par Darwin à son époque. Hein, il faut imaginer là, qu'on est à la fin du 19e. La pensée de Peirce commence à s'élaborer dans la deuxième moitié du 19e siècle et au tournant du 20e. Il était, en fait, son objectif, c'était d'intégrer la sémiotique, hein, évidemment, au système des sciences plus général et notamment à la biologie évolutionnaire. Et oui, donc, les êtres vivants développent des modèles du monde, hein, et appréhendent leur monde à partir des signes, et ce modèle-là leur permet de survivre. Et le développement de ces modèles, il est aussi. On peut aussi le penser dans une logique évolutionnaire ou évolutionniste. Là, tu as entendu mon chien? Ouais. Je vais aller voir ce qui. On fait une pause? Ouais, on fait une pause. Tu parlais de sémiosphère tantôt, puis c'est comme une genre de couche d'abstraction qui est un peu, qui couvre un peu tout le monde, si je comprends bien. Ouais. Bon, c'est sûr que là, j'ai comparé la sémiosphère à la géosphère, à la biosphère. Évidemment, la géosphère, c'est ce qui concerne vraiment la Terre, là, l'environnement tellurique de notre monde. Bon, la biosphère, c'est, si on veut, la couche de vivant là, qu'il y a sur le monde. C'est en quelque sorte une sorte de pôle là, qui existe sur la Terre. Et puis après, ben, d'autres ont proposé d'autres termes, là, des fois noosphère, c'est la sphère des idées. Mais donc, Lottman, lui, a avancé le concept de sémiosphère. Puis, pour lui, la sémiosphère, c'est le lieu de concurrence des codes. Il y a des dynamiques de compétition en différents codes. Et puis, il y a des logiques ou des dynamiques centripètes et centrifuges, par exemple. En raison d'institutions ou pour des raisons historiques, des langues qui sont plus fortes, des disciplines, par exemple, sont plus fortes ou des phénomènes culturels forts vont s'approprier beaucoup de leur entour, l'environnement, pardon. Ça peut parvenir à expliquer aussi des logiques frontalières, si on veut, entre justement le centre et ses périphéries. Hein, par exemple, l'émergence de cultures marginales, des choses comme ça. Est-ce que tu voulais nous parler un peu des origines des études sémiotiques? Ben oui, je pense qu'une fois qu'on a placé les fondamentaux, ça vaut la peine peut-être de faire un tout petit récapitulatif historique, histoire de comprendre que ça vient pas de nulle part, et puis que ça a des racines profondes. On a déjà évoqué là, que pour des questions de survie, c'était essentiel de se créer des modèles mentaux et des modèles de rapport au monde qui sont efficaces et fonctionnels. Hein, et qui donc finalement nous donne aussi une certaine liberté par rapport à notre environnement pour être créatif et puis peut-être pour apporter de l'innovation. En tout cas, il semble que chez les humains, ce soit important. Chez d'autres espèces, c'est peut-être la symbiose à travers tout le groupe social qui est plus important. On peut penser aux fourmis, par exemple, ou aux termites. Aux abeilles. Aux abeilles, bien sûr. Bon, après, chez Peirce considère même que les cristaux là, font de la sémiose. Il y aurait une sémiose vraiment même au niveau des roches. J'ai un visage bien surpris présentement. Je pense que je peux voir peut-être comment ça se passe là, mais Après tout, il y a des changements de phase aussi hein, dans les éléments de la Terre. Là. Donc, pour lui, ben, ces phases-là peuvent s'expliquer aussi par la sémiose. Mais je pense qu'on va peut-être éviter d'entrer trop dans le sujet, là. C'est pas quelque chose qui est beaucoup discuté là, dans les études sémiotiques, sauf parmi les Persiens purs et durs qui tiennent mordicus à étendre la sémiose à l'ensemble de l'univers. Puis le seuil de la sémiose, il est discuté hein, souvent. Là, est-ce que c'est le vivant, justement, ou est-ce que c'est plus large que ça? Est-ce que c'est les milieux naturels? Bon, l'éco-sémiotique va poser le seuil à ce niveau-là. Et puis, bon, il y en a d'autres qui vont vouloir faire de la cosmosémiotique ou de l'astrosémiotique. Bon, là, c'est des chercheurs un petit peu, je ne veux pas dire isolés, là. Ils ont des interlocuteurs, mais disons que c'est pas le courant dominant. Là. Parce que faut dire que la plupart des chercheurs en sémiotique se donnent des objets très concrets, là. Des images, des discours, on va y venir quand on va parler des champs d'application. Alors, pour parler des origines de la sémiotique, oui, ben, grosso modo, on peut dire que la pensée sur le signe, elle se développe au moins depuis l'Antiquité grecque. Je dis au moins parce que, bon, généralement, les documents qui antédatent l'Antiquité grecque sont plus rares à trouver. Hein. Ce qui nous est parvenu, en tout cas, vient surtout de l'Antiquité grecque. Et puis, donc, cette pensée sur le signe, elle progresse tout au long du Moyen Âge. Et puis, donc, elle va souvent se greffer à des querelles théologiques. Alors, c'est que l'Église a beaucoup d'emprise à cette époque et que l'université, de toute façon, se développe dans le giron de l'Église. Et donc, depuis le XIIIe siècle, notamment, il faut mentionner les écrits de Thomas d'Aquin et puis aussi de Duns Scot sur la question qui nous sont parvenus. Ensuite, à la Renaissance, à l'époque classique, il y a des penseurs comme John Locke en Angleterre ou Giambattista Vico en Italie qui se sont interrogés sur la valeur des signes et leur rôle dans la compréhension qu'on a du monde. Leurs textes continuent d'être commentés. Mais c'est vraiment au tournant du 20e siècle là, que les questions sémiotiques se consolident pour en venir à former un domaine d'études spécifique ou à peu près. Et on l'a mentionné plus tôt, là, mais simultanément, et peut-être c'est important de le dire séparément, Ferdinand de Saussure en Europe et Charles Peirce en Amérique du Nord ont élaboré les bases de la pensée contemporaine sur le signe. Il n'y a aucune trace d'échange entre les deux. Donc, ils ont eu un peu la même idée au même moment. En fait, quand on étudie leurs écrits, on voit que c'est pas du tout ils ne travaillaient pas du tout sur la même chose. Saussure s'est intéressé avant tout au système de la langue. Il a tâché d'expliquer le caractère immotivé ou arbitraire de la langue. On en parlait plus tôt, là. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport motivé entre un son, les sons des mots et les objets qu'ils désignent. Et puis Saussure, il a développé un modèle à deux termes, qu'on peut appeler le modèle dyadique du signe, qui est très répandu, que plusieurs personnes connaissent, hein, donc qui est fait d'un signifiant et d'un signifié. Il va dire que ce sont les deux faces d'une même médaille, ou le recto et le verso d'une même feuille. Autrement dit, ils sont indissociables. Bon, en études littéraires, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé. Par exemple, les glissements, justement, qui peuvent survenir au fil d'un texte, hein, un texte considéré comme un système de signes complexe. Glissements qui pourraient survenir entre signifiant et signifié au fil d'une œuvre, par exemple. Donc ça peut donner lieu à des rapports de sens productifs qui peuvent être observés de façon précise. D'un autre côté, Peirce, lui, s'est intéressé à la signification comme moteur et principe de notre relation, plutôt un principe de relation de notre rapport au monde, hein, en général. Je pense qu'on a déjà évoqué ça à plusieurs reprises. Et contrairement à Saussure, lui, il a développé un modèle du signe à trois termes, donc modèle triadique, qui est fait de trois termes, le premier étant ce qu'il appelle un représentamen. En gros, c'est un terme technique pour dire une manifestation là, sensible, parfois il appelle tout simplement le signe. C'est ce qui est perçu. Deuxième terme, c'est un interprétant. Il appelle l'interprétant puisque l'interprète peut être humain ou non. Donc c'est une instance d'interprétation. Si on veut, c'est le filtre à travers lequel passe finalement cette perception ou ce rapport au représentamen. Et donc, qui va mener à l'établissement d'un troisième terme, hein, l'objet. L'objet, c'est finalement ce à quoi renvoie le signe ou le représentamen. Et le rôle de l'interprétant, c'est justement de connecter les deux. Et donc, on voit bien qu'entre le signe et ce à quoi renvoie le signe, il n'y a pas de rapport universel. Hein, et que donc l'interprétant, là, il est important dans la mesure où il est finalement l'opérateur de l'inférence, hein, la mise en rapport des deux. On peut encore aller un petit peu plus loin, puis développer, plutôt évoquer la typologie des signes que Peirce a développée. On ne va pas la détailler tout au complet, là, parce que si on la déballe, ça, on n'en finira plus. Il y a eu plusieurs itérations de sa typologie des signes. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Bon, et finalement, on peut réduire ça, en tournant les coins ronds, mais je pense que pour les besoins de la cause, ça va aller, à essentiellement trois catégories, qui sont les plus répandus, les plus connus, l'icône, l'indice et le symbole. Et dans le fond, ils sont importants parce que, plutôt elles sont importantes, ces catégories, parce qu'elles désignent trois façons pour les signes de signifier. L'icône, et c'est important peut-être de dire que ce n'est pas des catégories exclusives, c'est-à-dire qu'un signe va présenter une nature plutôt iconique ou plutôt indicielle, mais pas parfaitement ou absolument iconique, indicielle ou symbolique. Donc, et puis elles sont là en ordre de complexité. L'icône va signifier par imitation. Les images sont des icônes. Quand un enfant imite le comportement de sa mère, hein, par, en anglais on dit mimicry, c'est une forme d'icône aussi. Donc signification par imitation, rapport de ressemblance. Le deuxième, c'est l'indice, parfois aussi appelé index. En anglais, on parle de index equality. Indexicality. Ça vient comme quand on pointe avec l'index. Hein? Regarde au bout de mon doigt, regarde par là. Donc en fait, il y a un rapport de contiguïté sensible, un rapport de coprésence. Un des meilleurs exemples, c'est l'empreinte que laisse dans le sol une chaussure. Hein? Ça laisse une trace qui a été là imprimée parce qu'il y a eu effectivement une certaine pression. On peut inférer qu'un pas et telle chaussure, éventuellement, on pourrait l'identifier, est passé à cet endroit-là. Hein? Évidemment, les indices font la gloire des romans policiers, mais aussi le pain et le beurre des enquêteurs de police véritables. Donc, ce rapport-là de signification, il est très important, hein? Rapport de contiguïté sensible. Et puis, la troisième catégorie, c'est le symbole. Et en gros, le symbole correspond un peu au signe linguistique saussurien, hein? Qui fonctionne par convention. Autrement dit, le symbole n'a aucune motivation naturelle, il est établi par une convention. On s'entend entre nous pour dire que ça vaut ça. Pourquoi est-ce que 20 piastres dans tes poches, ça te permet d'acheter je ne sais pas quoi aujourd'hui, sûrement pas une maison? Parce que tout le monde s'entend pour dire que ça vaut ça. Évidemment, la valeur fluctue en fonction de plein de paramètres. La monnaie, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais, toi, on t'a appelé Gabriel. Il y a des parents qui ont décidé, puis c'est comme ça. Puis à partir de là, à l'état civil, ton nom, c'est Gabriel. Puis toute ta vie, tu vas t'appeler comme ça. Mais tu peux changer. Il y a des lois qui le permettent. Par convention, tu peux décider de t'appeler autrement. Puis à partir de là, tous tes amis, tu vas leur demander de t'appeler autrement. Je sais pas, moi, Jean-Guy ou Germain. Et puis, par convention, tout le monde va t'appeler Jean-Guy ou Germain. Bon, là, c'est facile, c'est un nom propre. Mais finalement, énormément de signes, donc tous les mots de la langue, mais aussi donc toutes sortes d'autres symboles fonctionnent de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, le premier que t'as mentionné, l'icône, l'iconique, pour rendre les choses simples, on pourrait dire que c'est plus de manière comportementale que ça se propage. C'est un comportement, on imite quelqu'un, on imite quelque chose, ou peut-être un animal va imiter un aspect de la nature aussi. Oui et non, tu sais, si on veut remonter à un âge préhistorique, regarde les peintures dans les grottes de Lascaux, on a reproduit, d'après la perception qu'on en avait, mais la technique picturale qu'on possédait aussi, ou bien, on va savoir, peut-être que c'était un courant esthétique à l'époque, hein, on a reproduit de cette façon-là des animaux sauvages sur les murs d'une caverne. On les a observés, d'une part. Ils ont une certaine forme, certaines couleurs, puis on a reproduit ça d'après la perception qu'on en avait. Fait que la reproduction au sens large, le comportement rentre là-dedans, mais aussi... Ouais. Et puis la deuxième, pour faire simple encore, on peut donner un autre exemple tiré de l'âge préhistorique. Tout le monde a certainement déjà vu ces images de mains en négatif qui sont peintes là, sur des roches, encore une fois par... des civilisations qui nous ont précédés, ou des populations qui nous ont précédés, la main, finalement, elle est en négatif parce que la peinture a été, projetée, aspergée autour de la main. Hein. Et donc, ce qui reste, une fois qu'on retire la main, c'est la trace de la main qui a déjà été là. Ça, c'est un rapport indiciel fort. Hein. On peut être certain qu'il y avait une main là avant. Donc, là, on voit le rapport de contiguïté là, dont j'ai parlé. Mais les rapports, les indices aussi, je l'ai entendu souvent évoquer en parlant de chasse. Et, et de médecine. Oui, tout à fait. Puis c'est avec ça que je voulais terminer là, sur les origines de la CMIO. Hein, une fois qu'on a parlé de là où on en est aujourd'hui, ben, ça vaut la peine peut-être d'évoquer justement les toutes premières interrogations, hein, là d'où auraient peut-être émergé les premières questions, les premières interrogations sur le signe. Et on s'entend habituellement pour dire que cette origine-là, elle est double, et tu l'as très bien nommée. Hein, elle serait à trouver dans la chasse et dans la médecine. Alors, dans la chasse, parce que en observant des traces laissées là par des bêtes dans l'environnement, on peut imaginer un récit capable de nous guider vers ces bêtes pour les tuer. Hein. Y en a qui vont jusqu'à dire que c'est peut-être l'origine des histoires qu'on se raconte. Oui. Mais oui. Ben, ouais, donc, on en reparlera plus tard, là, mais oui. Alors oui, donc motif fort hein, pour s'interroger sur les signes et le sens. Ici, à travers la chasse, l'alimentation, donc la survie. Deuxième source possible, la médecine, justement, dans l'analyse des symptômes. Hein. L'analyse des symptômes, c'est le seul moyen de connaître l'état de santé d'un individu. Un symptôme, c'est une observation indirecte, évidemment, la plupart du temps même racontée par quelqu'un. Hein. Le médecin va vous demander comment vous vous sentez, quels symptômes avez-vous. Et puis, déjà, on va lui fournir une traduction. Puis pour ceux qui ont déjà eu à expliquer leurs symptômes, c'est jamais évident. Hein. Je me sens comme ci, je me sens comme ça. OK, décrivez-moi votre douleur. C'est indescriptible. Bon, alors on essaie d'offrir une traduction verbale d'une chose qui est déjà difficile à décrire. Et puis ensuite, le médecin, lui, reprend ça, puis essaie donc de reconnecter tout ça avec une espèce de registre, hein, si on veut. OK, tel symptôme serait associé possiblement à telle et telle maladie, puis après ça, il fait des recoupements. Alors donc, il y a évidemment là une observation indirecte, une médiation, qui doit mener à l'établissement d'un diagnostic, qui va être, on l'espère, valide, hein, et qui va éventuellement commander des soins adaptés. Alors, motif fort, là aussi, de s'interroger sur les signes, hein, vaincre la maladie, donc encore une fois, la survie. En terminant, on peut parler des champs d'application. Et je vais plutôt les évoquer puisque on va parler par la suite du cas qui va nous occuper nous, qui va représenter justement une application. Alors, mais de manière générale, comme je l'ai dit, la sémiotique, les études sémiotiques, on peut l'appeler la sémiologie si vous voulez, elle est peu disciplinaire. Hein, et donc, elle constitue souvent une approche à l'intérieur de d'autres disciplines. Et puis, elle va pouvoir se poser sur un nombre virtuellement infini d'objets. Alors, selon qu'on comprend le signe comme un substitut, comme la trace d'un code ou comme un élément de structuration de l'univers, hein, on a parlé de ça jusqu'ici, différents champs d'application vont surgir. Hein. Si on considère le signe comme un substitut, on va plutôt être dans le domaine de la littérature, peut-être de la psychanalyse, et aussi, il faut le mentionner, même si c'est pas un domaine qui m'est cher, du marketing. En fait, en marketing, il y a un courant important de sémiologie. oui. Alors ensuite, si on considère que le signe est la trace d'un code, ben on va peut-être être davantage dans l'analyse des discours, dans l'analyse des médias. Et puis là, ben il y a différents médias, différentes formes médiatiques. On peut être finalement dans l'analyse des systèmes en tout genre, hein, études artistiques, sémiotique visuelle, sémiotique du design, etc. Évidemment, le design parfois rejoint encore le marketing. Bon, il faut reconnaître que la vie sociale elle-même, elle est faite de multiples codes, hein, et donc, finalement, on peut s'intéresser de façon générale à toutes sortes de manifestations de la vie sociale. Peut-être qu'on peut mentionner aussi que, aujourd'hui, avec la multiplication des machines, bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais disons que ça va croissant, les codes deviennent omniprésents, hein, le code informatique, etc., et fait notable, ils tendent à s'invisibiliser. Et ça, c'est un phénomène qui, à mon sens, constitue un objet d'étude intéressant. L'invisibilisation des signes. L'obfuscation. Oh. Et donc, dernier champ d'application, ou ensemble de champs d'application, hein, si on considère que le signe est plutôt un élément de structuration de l'univers, ben là, on va être plutôt, justement, dans des questions fondamentales, donc en philosophie, en épistémologie, et puis en bio, en zoo ou en éco-sémiotique. Je pense que ça fait pas mal le tour. Évidemment, j'ai dû oublier quelque chose, là, mais dans l'ensemble, je pense que là, on est parvenu à une bonne introduction des études sémiotiques. Donc Simon, là on va parler du sujet pour lequel je t'ai invité, précisément l'affaire qu'on avait déjà parlé de ça il y a quelques années. Je trouve ça juste fascinant parce que ça pose beaucoup à réflexion sur des choses qu'on pense pas nécessairement dans la vie de tous les jours. On pense pas à comment est-ce qu'on va communiquer ensemble dans 10 000 ans, puis c'est quoi les répercussions des choses qu'on fait présentement dans l'avenir, comment on va être perçu, etc. On va parler plus précisément du stockage nucléaire ou l'enfouissement et de la signalisation à long terme. Oui, oui. On va s'attarder aujourd'hui en guise d'illustration, si on veut, à la première partie de notre entretien là, sur les fondamentaux de la sémiotique. On va parler d'un cas d'étude qui, moi, me fascine, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, là, c'était en 2017. J'ai écrit un article là-dessus, mais évidemment, on va prendre l'essentiel là, de ce que j'ai pu écrire, puis on va en discuter ensemble. Alors, le problème, c'est celui de la communication dans la longue durée. Effectivement, c'est pas quelque chose auquel on pense d'emblée. Même que si on regarde à l'échelle de la civilisation, nos sociétés existent depuis quelques milliers d'années. Et là, on doit s'interroger sur comment communiquer avec des êtres humains dans 10 000, dans 50 000 ans. Alors, c'est un problème en soi, évidemment. Ce problème-là, il peut paraître abstrait, mais quand on sait qu'il émerge d'un cas bien tangible, en fait, le problème des déchets nucléaires, son importance là, apparaît avec plus d'évidence. Effectivement, on va parler donc des sites d'enfouissement de déchets radioactifs, dits donc sites en couche géologique profonde. C'est la solution qui a été, disons, la solution privilégiée par la plupart des sociétés qui créent ce genre de déchets aujourd'hui. Donc on va en parler. Je tiens à dire que je ne veux pas prendre position en faveur ou en défaveur du nucléaire, c'est vraiment pas ça l'objet. L'objet, c'est de dire, bon, il existe des déchets qu'on doit traiter, avec lesquels il faut faire quelque chose, puisqu'ils représentent un danger. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est assez pragmatique, finalement. Donc, les déchets nucléaires, qu'est-ce que ça représente exactement comme danger? Et pourquoi est-ce que c'est si important que ça qu'on en parle à long terme, dans le temps long, ou juste pour le dire en anglais, le deep time? Ouais, ben, l'exploitation du nucléaire par les sociétés humaines contemporaines, il constitue une menace qui, bon, peut ne pas apparaître très tangible. Hein, pour ceux qui auraient vu, par exemple, la série télévisée là, Tchernobyl récemment, on voit bien que ce qu'on voit pas peut être poussé en dessous du tapis, comme on dit, mais ça finit par nous péter d'en face. Alors, à défaut d'être tangible, ce problème-là, il est concret et il est actuel. À mesure que les déchets nucléaires s'accumulent, les risques d'un grave dérèglement s'accroissent fatalement sur ce qu'on pourrait appeler notre communauté de destin. On a à prendre ça en charge communément, hein, tous ensemble, puisque en fait, ça nous implique tous. Et donc, je ne tiens pas à me montrer là, catastrophiste. L'idée, c'est pas d'alarmer les gens, de faire peur. Le problème, simplement, il peut pas s'énoncer autrement. Il faut donc le regarder en face, d'autant plus qu'on se trouve actuellement dans un contexte, depuis quelques années déjà, de renaissance nucléaire. Hein, il y a eu donc une première vague là, d'exploitation du nucléaire civil, et puis depuis la prise de conscience, trop lente, mais prise de conscience néanmoins du problème des gaz à effet de serre, il y a une transition énergétique qui est en marche, et pour plusieurs, la réponse ou la solution, c'est le nucléaire. Alors, évidemment, ça ne produit pas de gaz carbonique, Seulement, ça produit donc des déchets dont la radiotoxicité représente tout un autre problème. On l'a dit tout à l'heure, la communication dans la très longue durée, ou ce qu'en anglais on peut appeler le deep time, elle est donc généralement très peu discutée, puisque ben, ça ne va pas de soi, hein, ça constitue un domaine de pensée qui s'accorde très peu aux réalités de notre quotidien productif. Hein, productivité d'abord, nous dirait le bon ministre Legault. Le premier du nom. Alors, la gestion des déchets nucléaires, elle représente, à n'en pas douter, un problème qui est d'actualité, qui est directement lié à la productivité des sociétés humaines, puisque en fait, on a besoin d'énergie électrique, en l'occurrence, pour en produire davantage. Donc, ça s'insère dans cette logique-là de la croissance. Et comme on n'en est pas sorti, ben, il faut avoir les yeux en face des trous, comme on dit, et puis prendre ça pour ce que c'est. Néanmoins, le problème, il s'étend sur les millénaires à venir, et puis la pire attitude qu'on pourrait avoir, ce serait hein, évidemment de n'en avoir cure et de dire « bon, ben, ce sera le problème des générations futures ». Donc, il faut dire aussi que l'exploitation de l'énergie nucléaire, elle est extrêmement récente, extrêmement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et bon, quel est le rôle de la sémiotique par rapport à ce problème-là? Ben, on peut donc la convoquer, c'est le défi que je me suis donné, donc pour réfléchir aux implications de l'activité donc d'exploitation du nucléaire civil et aux possibilités futures qui sont donc non pas relatives à la poursuite de l'exploitation nucléaire elle-même, mais à la poursuite de l'activité humaine en général, hein, au maintien des écosystèmes, en tenant compte de l'impondérable danger des rebuts radioactifs, qui véritablement menacent de s'ériger comme un aboutissement de l'histoire. C'est-à-dire que si on ne prend pas ça en charge, on pourrait hein, ne plus exister. Donc, il y a un certain nombre de problèmes relatifs à la gestion des déchets nucléaires. Si tu veux bien, je vais commencer par parler, si on veut, justement, des déchets, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis après, on s'attardera à la question de la communication dans la longue durée, un problème qui est commandé donc par cette réalité matérielle-là. Ouais, ça serait bon juste de mentionner c'est quoi exactement les déchets, puis c'est quoi comme le problème matériel concret, parce que on sait que c'est dangereux, mais des fois on ne le réalise pas à quel point. Ouais, ben on le réalise pas parce que c'est invisible, c'est inodore, hein. Bon, mais ça tue, ça va transformer ton code génétique, ça va te détruire de l'intérieur, donc c'est assez grave. L'exploitation civile du potentiel énergétique. Il est issu de la fission de l'atome. Et depuis 1954, hein, c'est assez récent, cette exploitation-là, elle a généré des masses de déchets nucléaires qui sont souvent hautement radioactifs. Alors, il y a des millions de tonnes de déchets qui ont été amassés au fil des ans, sans qu'on sache exactement quoi en faire, comment s'en débarrasser. Alors, les déchets qu'émettent nos réacteurs électronucléaires civils, bon, on n'en a pas au Québec, là, il y en a au Canada, cependant. Le Canada a d'ailleurs été un chef de file du développement nucléaire. On a développé un réacteur qui s'appelle le CANDU. Donc, c'est un des pays dans le monde qui exploite l'énergie nucléaire. Donc, les déchets qu'émettent nos réacteurs électronucléaires, ils ont une durée de vie radioactive moyenne, et là, ça va être impressionnant, hein, de près de 250 000 ans. 250 000 ans, c'est incommensurable à l'échelle de notre histoire. Donc, si ils sont stockés à la surface de la Terre, ces déchets-là vont être soumis aux aléas de l'histoire, ils vont être exposés aux catastrophes naturelles potentielles, et donc, je pense qu'il est urgent de les mettre à l'abri, hein, du moment qu'on sait qu'ils existent, on ne va pas juste les laisser dans la cour. Donc, pourquoi les mettre à l'abri? Ben pour minimiser les risques de prolifération nucléaire, tout simplement, d'exposition à la radiotoxicité, et les risques également d'interférences écosystémiques. Alors, au cours de la décennie 80, il y a eu donc la solution du stockage définitif des déchets radioactifs dans des formations géologiques qui atteignent de 300 mètres à 1000 mètres de profondeur, qui donc a gagné en importance. Okay, donc, depuis les années 80, cette solution-là est celle qui est le plus mise de l'avant. Et elle fait aujourd'hui l'objet d'un assez large consensus au sein des communautés scientifiques qui donc, et donc de l'industrie également d'exploitation du nucléaire civil, et de plus en plus de pays planifient la construction de tels sites d'enfouissement. D'ailleurs, la Finlande est le premier à avoir inauguré officiellement son site d'enfouissement qui est actif, là. Ça s'appelle Onkalou en Finlande. Alors, il faut dire que c'est pas tous les déchets qui sont très dangereux. Hein, les déchets les plus dangereux sont dits les déchets HAVL, donc haute activité vie longue. Et ils correspondent ni plus ni moins aux barres de combustible. Je dis combustible entre guillemets parce que c'est pas exactement, enfin, c'est pas comme de l'essence là. Des barres de combustible nucléaire irradiées dans les réacteurs. Alors, ces déchets-là sont constitués de produits de la fission du combustible et bon, des actinides, c'est pas très important. En France, les déchets dits HAVL représentent seulement 3% du total des déchets radioactifs produits. Mais ils concentrent la presque totalité de la radioactivité. En fait, ils sont très très concentrés. Le stock mondial de déchets HAVL, il est évalué en 2008 à environ 250 000 tonnes. Et donc, d'après un rapport de la World Nuclear Association, qui date de 2015, dans les pays de l'OCDE, il y a 81 000 mètres cubes de déchets nucléaires qui sont produits par année. Alors, hein, le nombre de déchets ne fait que s'accroître. Et à titre indicatif, la France prévoyait, là, ça c'était il y a quelques années déjà, mais prévoyait tripler sa production de déchets nucléaires d'ici à 2080. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a ces déchets-là, qui sont dangereux, il existe différentes techniques pour les stocker. Hein, donc des techniques qui ont été utilisées et qui continuent d'être utilisées. Donc, ils peuvent être stockés à la surface de la Terre, hein, et différentes méthodes vont pouvoir atténuer la radiotoxicité, puisque donc ils ne peuvent pas être complètement détruits. Donc, il existe des méthodes d'entreposage temporaire. La plus connue est peut-être celle de la piscine de carburant usé. Bon, sinon, il y a les barils à sec, il y a des barils de transport, il y a différentes formations là, de béton, de calcaire, de roches synthétiques, etc. Ouais, il faut dire que l'eau, c'est un isolant apparemment très, très fort contre la radioactivité. Oui. Par contre, on va éventuellement parler des stockages profonds, là. Des risques de fissures. On sait qu'il y a des nappes souterraines, il y a des possibilités que l'eau emporte aussi des matières radioactives. Donc, il y a des possibilités de fissures à ce niveau-là qui existent. Mais bon, ça, c'est un petit détail, là. Mais oui, a priori, l'eau est un bon isolant, donc d'où l'idée de la piscine de carburant usé. Donc, en matière de traitement des déchets, là, il existe deux phénomènes dont on peut tirer profit. Il y a aussi donc la vitrification est le premier, aussi appelé géomelting. Et puis l'autre, c'est la transmutation nucléaire qui permettrait donc d'affaiblir la radiotoxicité, mais c'est pas très bien développé. Il y a des recherches en cours. Donc, aucune des deux techniques, de toute façon, élimine complètement la radiotoxicité. Et donc, finalement, il existe aussi diverses techniques d'entreposage dit permanent il y en a la troisième est la solution préconisée, là, celle du stockage en couche géologique profonde, aussi appelée Deep Geological Repository. Mais avant ça, il y en a eu un ou deux qui ont été essayés, notamment le stockage sur le plancher océanique. Hein, imaginez faire descendre des barils, je pense que peut-être des gens ont déjà vu des images comme ça, des gros barils jaunes, on les descend au fond de l'eau, puis on se dit, bon, ben comme ça, ils sont loin, on peut les oublier. Ça paraît barbare et archaïque, mais il faut savoir que ça existe encore. Hein, il y a des zones qui sont beaucoup moins bien contrôlées sur la planète, et apparemment, depuis des dizaines d'années, il y a pas mal de déversements qui se font au large de la Somalie. Ça, c'est comme des déversements, des dépôts sauvages. Ouais, c'est ça. C'est illégal, en quelque sorte, mais bon, si personne n'est là pour le contrôler. Une loi n'est jamais aussi forte que sa capacité à être mise en application. Puis l'autre solution qui existe, c'est le stockage en forage profond, aussi appelé « deep borehole disposal ». Et donc, il s'agit essentiellement de creuser des trous très très profonds, là, pas très larges, mais finalement, c'est comme des gros tunnels verticaux. Et puis on descendrait ça là-dedans, puis après ça on les reboucherait, puis ce serait ça. C'est pas la solution qui est préconisée, c'est vraiment donc le stockage en couche géologique profonde. Qu'est-ce que c'est? Alors, on parle de sites excavés dans des formations telluriques variées. Là. C'est parfois du sel, ça peut être de l'argile, ça peut être... Bon, bref, l'important, c'est que ce soit une formation géologique stable. Et donc, ces excavations-là peuvent atteindre une profondeur moyenne de 500 mètres. Il y en a à 300 mètres, il y en a à 1000 mètres. C'est assez profond, on s'entend. Et donc, des sites excavés qui pourraient accumuler sur une période moyenne de 100 ans. Pendant 100 ans, il serait ouvert, on descendrait des matières HAVL dans ces immenses salles souterraines. Et puis, après 100 ans, elle serait scellée à tout jamais. Seulement, récemment, la World Nuclear Association, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a remis en cause l'idée de permanence de l'enfouissement dans un document qui traite de la question. Là. Et puis, en gros, elle s'interroge à savoir si les déchets pourraient pas être placés de manière à pouvoir être retirés des dépôts plus tard. Le motif derrière ça, c'est que, en fait, on voudrait laisser la porte ouverte à la possibilité pour des générations futures de pouvoir tirer profit des déchets qui auront été enfouis et de les considérer comme une ressource qui pourrait avoir une valeur. Actuellement, on ne peut pas les traiter, mais si dans 100 000 ans, c'est possible, voilà. D'un autre côté, la fermeture permanente pourrait accroître la sécurité des installations, hein. Après avoir été enfoui pendant environ 1000 ans, la plus grande part de la radioactivité se serait dégradée. Donc là, en considérant ça, hein, puisqu'il y a toujours la question de la demi-vie, ça se dégrade tranquillement. Donc, bon, ceux qui veulent tirer profit des ressources, on va les appeler les extractivistes, ils voudraient pas que les dépôts soient fermés à jamais. Hein, ce serait bête, finalement, d'avoir une telle richesse, puis de l'oublier. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent « Oui, il faut les oublier, justement, parce que vaut mieux ne pas toucher à ça, c'est dangereux. » C'est quand même drôle que c'est cadré dans l'aspect profit. Ben oui, évidemment. C'est un secteur industriel, hein, donc toute la question du profit, elle est là, elle est au centre de toutes les décisions. Et puis, les questions morales, elles sont là aussi, hein, parce que... Tu pourrais dire, on peut garder ces sites-là ouverts parce qu'éventuellement, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser de manière sécuritaire. Tu sais, comme les éliminer complètement avec des technologies qui ne sont pas encore développées, mais l'idée du profit de l'avant. Oui, puis de toute façon, tu sais, les immenses sites là, comme ça, excavés souterrains, ça vient de décisions gouvernementales qui vont à l'encontre de l'idéologie gestionnaire. De l'industrie nucléaire de toute façon. Eux, ils seraient très contents de laisser ça dans des stockages temporaires ou dans des piscines parce que c'est le moindre mal et puis ça coûte moins cher. Le problème, c'est que il y en a beaucoup. Ça devient que ça, il y en a trop. Et puis sinon, le problème, c'est aussi que les États se sentent de temps en temps une responsabilité envers les populations. Et puis là, ils se disent il faudrait quand même faire quelque chose par rapport à ça. C'est ça, j'en viens à dire que aux États-Unis, il y a un tel site. Et ça s'appelle Yucca Mountain. C'est dans le désert de, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Armagosa, un truc comme ça. C'est dans le désert, là. Il fait bien chaud. C'est dans la roche, c'est creusé. Et en 2008, ce site géologique-là était le plus étudié au monde. Hein, donc on s'en rend pas compte, mais en fait il y a énormément d'études qui se font autour de cette question-là. Ça intéresse beaucoup les géologues, hein, la stabilité des formations rocheuses, parce que c'est évidemment la stabilité qui va être garante évidemment de la sécurité à long terme. Alors l'un des principaux directeurs du développement de ce projet-là, des principes directeurs, pardon, c'est que des précautions appropriées doivent être prises pour assurer la santé et la sécurité publique et la protection environnementale pour la génération actuelle et pour les générations futures. Donc on voit que parfois, il y a effectivement des États qui sentent une responsabilité envers les générations futures et que ça peut être un principe directeur. En l'occurrence, ce site est né de cette préoccupation-là. Et donc, pour justement assurer la sécurité à long terme, il y a un groupe de recherche qui a été mis en place autour de la question de la communication à long terme, des dangers qui seraient associés aux matières irradiées qui doivent y être enfouies. Il faut dire que le site actuellement, je ne sais plus s'il est ouvert ou non, je sais que son financement avait été arrêté pendant un bout sous Obama. D'après moi, là, c'est au point fixe. Je ne sais même pas s'ils ont commencé à stocker là, des matières dedans. Alors, ça date d'il y a longtemps. Hein. Le groupe, il a été mis en place en 1981. OK, donc son travail, c'était justement de réfléchir aux implications de la communication à long terme. Et ça m'intéresse parce que, ben, en fait, le groupe était dirigé par un sémioticien, le sémioticien états-unien Thomas Sibiok. Alors, le groupe s'appelait, et ça va nous amener à parler justement des problèmes associés à la communication dans la longue durée, le groupe s'appelait le Human Interference Task Force. le titre le dit quand même, il faut l'interférence humaine, le groupe de travail sur l'interférence humaine. Alors, c'est un groupe qui a été mis sur pied en 81, autour de Yucca Mountain, et son rôle était de limiter les probabilités que des humains du futur ne pénètrent par inadvertance sur des sites de stockage à long terme. C'est-à-dire, finalement, sans en reconnaître les dangers. Hein. De façon bien innocente, ah, oups, soudainement, je me retrouve en présence de déchets radioactifs. Bon, c'est pas bon pour moi. Donc, on veut éviter ça. Alors, la durée qui est envisagée pour la communication à long terme, là, dans le cadre de cette étude-là, elle a été fixée arbitrairement à 10 000 ans. Bon, considérez que 10 000 ans, c'est déjà assez. Après tout, hein, les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, ça fait la moitié de ça. Donc, on ne sait même pas ce que ça représente 10 000 ans. Alors, l'objectif est de parvenir à communiquer trois éléments à la postérité. Le premier, puis ça va paraître bête, mais il faut communiquer que il s'agit d'un message. Autrement dit, reconnaissez que je suis en train de vous signifier quelque chose. Ceci est un message. Le deuxième, que des matériaux dangereux sont associés à un endroit précis, hein, et il faut aussi être capable d'identifier cet endroit-là. Alors, une fois qu'on a un message, il faut savoir ce que le message doit contenir, et puis c'est ça qu'il doit contenir, en priorité. Et puis, en deuxième, il faut aussi qu'il contienne de l'information plus détaillée, plus technique, concernant la nature des substances dangereuses qui sont stockées à cet endroit-là. Okay? Donc, ce n'est pas une mince tâche, et puis on va voir pourquoi. Alors, en 1984, finalement, le groupe de travail a duré 3 ans, de 81 à 84. En 84, le rapport paraît. Il a été dirigé, rédigé par Thomas Sibiok. Il s'appelle, je trouve que le titre est assez beau, « Communication Measures to Bridge 10 Millennia ». Mesure de communication pour faire le pont sur 10 000 ans. Alors, il y a eu ce rapport en 84, et puis par la suite, il y a eu deux autres rapports qui ont été produits dans la foulée, cette fois pris en charge par un laboratoire en partenariat public-privé aux États-Unis, ça s'appelle les Sandia National Laboratories. Donc, il y a eu un rapport en 91, un rapport en 93. Pourquoi j'en parle, c'est que quand je vais présenter les solutions, je vais pas trop faire de distinction entre toutes les solutions qui ont été présentées dans les différents rapports. Le rapport de Sibiok, il a l'avantage de présenter clairement le problème sémiotique que représente la communication à long terme. Alors, c'est pas étonnant quand on sait que Sibiok était un sémioticien. Alors, il identifie clairement la nécessité de conceptualiser des marqueurs permanents capable d'informer, dans le futur, de potentiels intrus sur la nature des matières enfouies. Non seulement ça, mais aussi des informations sur l'activité et sur les dangers liés au site de stockage de déchets nucléaires. Mais, bon, d'emblée, la question se pose, dans quelle langue doivent être formulées ces informations-là? Et là, je vais citer une petite partie du rapport, parce que ça me paraît quand même important. Sibiok écrit « Les problèmes relatifs à l'interférence humaine, bon, évidemment, c'est moi qui traduis, là, et à l'échange de messages dans la longue durée, pour une période au cours de laquelle il est certain que les langues orales se seront dégradées jusqu'à l'incompréhension, rendent nécessaire de s'inscrire dans une perspective qui s'étend bien au-delà, pardon, de la linguistique. » Alors, le problème, il est posé et il dépasse le langage verbal. Hein. On peut pas penser qu'une langue va se maintenir dans cet horizon-là. C'est juste drôle qu'il parle de... Il parle de dégradation de la langue. Oui, ben... Une altération, une transformation. Je pense pas qu'il faut y voir comme une position sur... Un genre de fatalisme, là. Ou l'échec de la civilisation occidentale, ou comme c'est bien en vogue en ce moment. Ouais. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, de toute évidence, les langues se transforment au fil du temps. Et puis, on peut observer leur transformation sur 2-3 générations. Alors, imaginons sur 10 000 ans, ça va de soi que ça peut devenir très problématique. Et puis, ben, on le sait, il y a des langues mortes aussi. Ça existe. Il n'y a plus personne qui parle le latin ou le grec ancien. Bon, alors... Les langues meurent, c'est une évidence. Cependant, ces langues-là, on les connaît encore. Oui, mais il y a beaucoup de langues ou de dialectes qui sont perdus. Pour le latin, qui a été central dans le développement de l'Occident, il y a sans doute 100 ou 1000 langues qui sont disparues, hein, qui étaient parlées par une poignée de gens, et dont les populations n'existent plus et qui sont disparues avec elles. Donc, je disais que c'est ça, un message qui serait exclusivement linguistique va être écarté d'emblée, puisque, bon, ça, on l'a dit dans notre précédente conversation, les langues naturelles sont conventionnelles. Hein. Ce ne sont pas des messages naturels, sont conventionnels, reposent sur des conventions, et les conventions, par nature, sont des institutions humaines, et les sociétés humaines changent, sont instables. A fortiori, dans un contexte d'anthropocène où on va peut-être crever. Bon. Moi, j'ai dit que je ne serais pas catastrophiste. Je vais m'en tenir aux faits. Ben, c'est quand même un fait, là, les changements climatiques. Donc, il faut envisager un message qui serait multimodal, pas seulement linguistique. Et là, CBIOC reconnaît donc que. Ben, il reconnaît en gros l'impermanence des codes, hein, qui rend la tâche communicationnelle ardue. Et il va nous dire, ben, bon, je vais passer rapidement sur la question de l'entropie, là. Tous les codes, toute l'information est victime d'entropie à l'égal de tout ce qui existe ici sur Terre. Et en gros, il va identifier quelques obstacles, et puis il va dire, ben, pour que la communication soit multimodale, ben, il va reprendre les catégories du signe de Peirce. Donc, icône, indice, symbole. Il dit, la communication devrait se faire selon ces trois modes-là. Comme ça, on maximise nos chances que le message soit transmis. Hein, il va écrire, chaque mode de communication, iconique, indexical, symbolique, possède un ensemble d'avantages et un ensemble correspondant de désavantages. Mais, en gros, il faut tirer profit de chacun des avantages, et puis, en créant de la redondance dans le code, ben, on se donne plus de chances. Donc, les principaux obstacles, ils sont identifiés, c'est les suivants. Hein. D'abord, les langues naturelles ne sont pas fiables dans la longue durée, puisque les codes changent. Les langues artificielles ne sont pas plus fiables, puisque en fait leur code est peut-être plus stable, mais leur circulation est moindre. Hein. Ces langues-là sont des langues spécialisées, parlées par des experts ou bien comprises par des experts. Le code de ces langues, on peut penser à un code informatique ou à n'importe quel langage informatique, hein, il est restreint finalement à ceux qui détiennent une compétence particulière là-dedans. On ne naît pas, je veux dire, dans une famille, c'est bien rare qu'on va nous enseigner à la fois une langue maternelle et un code informatique en plus, bon, ou un code quel qu'il soit. Le code, la clé de décryption de ces langues-là peut plus facilement se perdre. Exactement, puisque leur circulation est moindre. Voilà. Et finalement, troisième obstacle, les images, ou bon, on pourrait parler de signes à dominante iconique, hein, comportent le plus souvent une importante composante conventionnelle et donc une ambiguïté inhérente. En fait, il ne faut pas penser qu'une image est d'emblée compréhensible. Au contraire, les images ont aussi, tout le langage visuel répond aussi de code. Hein, et donc, un des exemples à cet égard-là, c'est le fameux tableau de Munch, le cri. C'est pas sûr que tout le monde peut comprendre que, disons, cette personne est en détresse. Ou, je veux dire, si je te demandais qu'est-ce que ça signifie pour toi le cri de Munch, saurais-tu me répondre? Ben, moi, je dirais qu'il y a une terreur existentielle exprimée à travers ce tableau-là, probablement. Peut-être, mais d'autres pourraient peut-être y voir aussi juste la volonté d'une altération du réel à travers un code esthétique qui répond d'un canon artistique particulier et qui donc a rien à voir avec une réalité tangible. C'est ça. Aucune image peut transmettre un contenu absolument univoque. Notre exemple, ce serait les bandes dessinées. Hein? La convention qui est de lire les cases de gauche à droite, de haut en bas, c'est une convention justement. Quand on sait que, par exemple, bon, déjà, les mangas se lisent à l'envers, bon, ça illustre bien ça, mais rien qui dit que dans le futur, hein, après que les bandes dessinées auront disparu pendant, je sais pas moi, 3000 ans, il n'y en avait plus, puis là, soudainement, quelqu'un d'autre réinvente la forme BD, ben, peut-être que ça va se lire dans l'autre sens. Puis à ce moment-là, si on a un petit bonhomme qui, dans la première case, s'approche d'un truc nucléaire, puis dans la deuxième case, il semble s'effondrer, puis dans la troisième case, il est mort. Mais il n'y a rien qui dit que dans le futur, ils vont pas lire ça à l'envers en disant « Ah, mais moi, j'étais vraiment sur le seuil de la mort, puis je me suis approché d'un truc nucléaire, puis après ça, j'étais bien. » Bon, si on lit ça à l'envers, ça va pas bien. Donc, il n'y a pas de... n'y a pas d'image parfaitement naturelle qui pourrait illustrer ça. Et encore moins là, le fameux logo là, qui indique la radioactivité, qu'on connaît bien, là, jaune et noir. Ben, il est parfaitement conventionnel et il n'y a rien qui dit que les humains du futur sauront le comprendre. Mais tout c'est totalement arbitraire. Il n'y a rien qui dit que c'est de la radioactivité, ça. C'est juste qu'on le sait parce que ça s'est transmis. C'est ça. Alors, ça montre bien hein, la conventionnalité des signes en général, et qui reposent sur des codes qui sont eux-mêmes donc transmis en partie naturellement là, par la force des choses, et puis aussi en partie par des institutions qui s'assurent de le faire. On pourrait pas juste mettre comme une tête de mort, là? Ben, peut-être, mais si... qu'est-ce qu'il dit que c'est pas un cimetière? Donc, on pourrait aller voir... faire des recherches archéologiques. Ben c'est ça, creuse ici, il y a des ossements. Ah oui, ok, mais moi ça m'intéresse. Comment ils étaient les humains il y a 5000 ans? Peut-être qu'ils n'avaient pas la même forme de crâne. T'sais, aujourd'hui, c'est ce que fait la paléoanthropologie, ce que fait l'archéologie. Ils cherchent pour justement comprendre les générations du passé. Ben, on va voir avec les solutions que je vais proposer, là. Ben, plutôt qui ont été proposées, c'est évidemment pas les miennes, on va voir que chaque fois qu'on indique quelque chose, ça peut attiser la curiosité. Donc, finalement, il faut composer avec la nature humaine, on va dire ça comme ça. Hein. Les humains sont bien curieux. Ils fouinent, hein, ils mettent le nez là où ils devraient peut-être pas toujours. Donc, ils devraient pas. Moi, je vais encourager la curiosité, mais là, dans ce cas-ci, ça implique un danger assez évident. Ben, c'est évident. Pour nous, aujourd'hui, c'est évident, mais comme on a dit, c'est un danger existentiel, mais il est intangible. Il est inodore, incolore, on le voit pas, puis il passe à travers nous, puis il nous détruit. Alors, les solutions proposées, elles sont au nombre de... je vais en présenter 8. Et comme je disais, elles sont tirées là, des différents rapports dont j'ai parlé précédemment. Et puis, je pense qu'elles vont se présenter dans l'ordre aussi peut-être de complexité. Là. Les premières vont paraître simples, et puis les suivantes vont peut-être être plus compliquées. La dernière étant l'hypothèse de Thomas Sebiok lui-même. Et puis, on peut l'annoncer, puisque c'est quand même assez excitant. Il s'agit d'un clergé atomique. On appelle ça le... Atomic Priesthood. On va voir de quoi il en retourne bientôt. Mais avant, passons aux solutions qui ont été rejetées. Hein? Donc, pour chacune des solutions, il y aura... Ben, je décrirai brièvement ce que c'est, puis j'essaierai de montrer en quoi c'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, la première solution, elle a été proposée là, par Vilmos Voigt, et il s'agit d'une table de traduction disposée de manière concentrique sur des anneaux successifs qui seraient installés là, sur les pourtours du site d'enfouissement. Donc on imagine une immense installation, un immense anneau là, qui serait là, véritablement au sol, qui serait manifestement très grand. Et puis, avec le temps, puisque de nouvelles langues sans doute apparaîtraient, on pourrait ajouter sur la circonférence extérieure les nouvelles langues, donc les nouvelles traductions. Alors, c'est comme une sorte de pierre de Rosette. Mais sous forme d'anneaux. Et puis, puisque donc, les langues s'accumulant, les anneaux vont épaissir, ben, ça a encore l'avantage d'éloigner encore plus les gens du lieu. Mais il faudrait évidemment maintenir les traductions à jour, hein, à travers les époques. Donc, ce projet-là, il présente deux problèmes. Hein. D'abord, le dispositif de traduction doit être entretenu. Et non seulement il doit être entretenu, mais idéalement en connaissance de cause. C'est-à-dire que si on a oublié ce que ça signifie ce texte, hein, et qu'on traduit juste littéralement les mots qui se trouvent là sans bien comprendre de quoi il en retourne, ben, les traductions vont être de plus en plus éloignées ou faussées. Puis, pour ceux qui travaillent en traduction, vous comprendrez aisément ce que ça signifie. Hein. Traduire quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pas idéal. Ensuite, deuxième problème, le message considéré hein, pour ce dispositif, il est de type verbal seulement. On a déjà dit que c'était pas idéal. Hein. Donc, c'est pas tout à fait vrai qu'il est seulement verbal, puisque en fait, le cercle de traduction, le fameux anneau, autour du site, il représente aussi une marque indexicale ou indicielle élémentaire. Hein. Il est vraiment disposé là où les déchets sont enfouis. Donc, enfouis, pardon. Et donc, de ce point de vue-là, on a un code bimodal, si on veut, là, qui est à la fois indexical ou indiciel. Les deux mots réfèrent au même mode. Et symbolique, là, langagier. Bon, c'est pas la solution retenue. La deuxième solution, elle a été proposée par Philip Sontag, et elle est un peu hallucinée, mais moins que d'autres, on va voir. Alors, Sontag propose qu'un satellite, hein, une lune artificielle, soit mis en orbite autour de la Terre. Et ce satellite aurait pour tâche de communiquer des informations nécessaires concernant les matières nucléaires et évidemment les dangers qui sont associés à ça. Bon, cette solution-là, elle a passé à l'histoire parce que Sontag, il faisait partie du Task Force, mais elle a été bien vite rejetée, hein, puisque évidemment rien n'indique qu'on saurait capter les signaux du satellite dans l'avenir, et pas seulement les capter, mais peut-être les interpréter aussi. Et puis, peut-être qu'on serait même pas en mesure de savoir qu'il y a un satellite artificiel, ou que, disons, la Lune qui est là, elle est artificielle. Déjà, pour que ça soit visible à l'œil nu, il faudrait que ce soit un sacré gros satellite. Bref, c'est pas une très bonne solution. C'est quand même drôle, tu t'imagines des sociétés comme de l'avenir qui sont comme revenues à l'état un peu primitif, qui vénèrent justement comme cet astre-là qui est spécial. Là. C'est ça, ils le vénèrent, mais ils savent pas pourquoi. Hein. Donc, ça aide absolument pas à les maintenir à distance des sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais c'est une solution qui frôle la science-fiction, et puis on va voir que la prochaine est aussi relève pas mal de science-fiction, non seulement en raison de ce qu'elle est, mais aussi en raison de qui l'a formulée. Hein, il s'agit donc de Stanislas Lem. Alors, Stanislas Lem, lui, propose que l'information associée au site et aux matières radioactives soit stockée suivant une méthode encore inexistante de codification dite biomathématique de l'ADN dans ce qu'il appelle des fleurs informationnelles en proximité des sites de stockage. Et ces plantes-là pourraient s'auto-reproduire et donc reproduiraient avec elles le message qu'elles contiennent. Ça paraît farfelu, mais en fait, il y a pas mal d'études actuellement qui travaillent sur ce genre de codification biomathématique là, dans l'ADN. En computer science ou genre à l'interférence ou à la convergence plutôt des computer science puis de la biologie, on est en train de considérer le code génétique comme un support de stockage informatique de plus en plus. Alors bon, à l'époque, en 84, ça n'existait pas. Ça n'a pas empêché Lem de l'imaginer, ce qui est quand même impressionnant. Assez visionnaire, ouais. Quand même, ouais. Mais bon, il faut quand même se demander... après tout, quelles connaissances on pourrait avoir de ces fleurs-là dans 10 000 ans? Hein? Comment est-ce qu'on saurait qu'il faut les décoder? Pourquoi ces fleurs-là plutôt que d'autres? Et comment est-ce qu'on s'y prendrait pour les décoder, pour les interpréter? Hein? Autrement dit, ce marqueur-là peut aussi se perdre dans la nature, dans ce cas-ci, littéralement. Alors, rien n'indique qu'on pourrait décoder et interpréter correctement l'ADN de ces fleurs-là dans le futur. Et puis même, la connaissance de l'ADN pourrait être perdue. C'est pas parce qu'on connaît une chose aujourd'hui que c'est sûr qu'on va la connaître dans le futur. Donc, cette solution-là, c'est pas la meilleure non plus. Quatrième solution, elle a été proposée par Françoise Bastide et Paolo Fabri. Bastide et Fabri proposent de créer, et là c'est la solution qui fait souvent rire le plus, hein, créer une race de chats mutants, radiants, hein, donc électroluminescents, si on veut, ou bioluminescents plutôt. Et aussi, j'expliquerai ça après, un répertoire musical plein de vers d'oreille, donc des mélodies accrocheuses. Alors, il y a deux choses là, dans cette solution-là. Premièrement, ça implique que des chats soient modifiés génétiquement pour devenir phosphorescents ou radiants en présence de radioactivité. Autrement dit, s'il y a de la radiotoxicité dans le coin, les chats vont devenir, bon, lumineux. et puis donc ces chats serviront en quelque sorte d'instrument d'alerte, hein, une sorte de compteur Geiger, je sais pas si on dit Geiger ou GGG, l'instrument qui sert à mesurer la radioactivité. Bon, autrement dit, on ferait des chats un tel instrument. Okay? Ils seraient biologisés. Et donc, au-delà d'un certain seuil de radioactivité à déterminer, là, celui qui est dangereux pour les humains, on indiquerait la présence d'un danger par l'entremise, donc d'un phénomène étonnant, le changement de couleur. Ah, c'est assez étonnant. Mais problème, hein, il n'y a rien qui nous indique que nous serions aptes, capables d'interpréter ce phénomène-là, hein, le phénomène un chat change subitement de couleur. On peut pas, rien nous indique qu'on peut l'interpréter correctement. Cette solution-là, elle implique aussi donc d'investir le folklore, la culture. Hein. C'est la deuxième partie de la solution. Il faudrait y introduire des éléments qui pourraient influencer durablement le contexte d'interprétation. Et ça devrait nous permettre de réagir correctement si un tel phénomène devait survenir, pardon. Alors, par exemple, c'est ce que proposent les deux chercheurs là, une comptine qui serait très accrocheuse, à laquelle tous les enfants seraient exposés dès la maternelle, par exemple, et à la petite école, hein, et qui comprendrait un message sur le comportement approprié à adopter en de tels cas. Imaginons là, une comptine, je sais pas. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont imaginé. Peut-être que je pourrais te donner le lien, tu pourras passer ça dans ton émission. Il y a des gens qui se sont amusés à en composer une. Hein. Donc, quelque chose comme, si tu vois un chat vert fluo, sauve-toi. Si tu vois un chat vert fluo, va pas vers lui, il est pas beau. Sauve-toi, appelle ta famille, prends tes jambes à ton cou, c'est vraiment dangereux, etc., etc., tu vois le genre. Mais il faudrait que ce soit rythmé et joyeux. Bon. Mais évidemment, bon, là, il y a deux problèmes. D'abord, un problème d'éthique animale. Bon, des fois, les humains se bordent pas trop de ça. Mais un problème d'éthique animale néanmoins. Hein, de quel droit pouvons-nous modifier génétiquement une espèce pour créer une race instrumentale comme ça, hein? Et puis, d'autre part, comment s'assurer que les populations de cette race de chats ne migrent pas loin des centres de stockage dont ils sont censés être les gardiens? Les chats, après tout, ils pourraient très bien se dire, ben moi, j'ai pas envie de vivre ici, je m'en vais. Ou bien, ah, tiens, je sens les effets de la radioactivité, c'est pas bon pour moi, je vais pour ma survie, la survie de mes communs, je vais m'en aller ailleurs. Bon, évidemment, le chat se formule les choses de façon aussi rationnelle que moi. Hein. Yeah, mais il y a aussi le problème que ces chats-là vont se reproduire probablement avec des chats qui n'ont pas aussi ces gènes-là. Fait que tu vas comme investir le code génétique existant des chats de cette espèce de modification-là que tu as faite. Puis ça, c'est une question bioéthique quand même assez importante. Ça, et puis ça pourrait aussi diluer justement l'importance de la bioluminescence qui était vraiment le marqueur qu'on voulait vraiment exacerber là, en modifiant leur code génétique. Donc, c'est pas idéal. Aussi, il n'y a rien qui garantit la pérennité ou l'efficacité dans le temps des éléments folkloriques, hein, qui doivent rappeler la menace associée à un changement de couleur des chats. Puisque, évidemment, les dynamiques culturelles comportent, elles aussi, leur part d'indétermination, hein, d'entropie, de dégradation avec le temps. Donc, il n'y a rien qui nous dit que ces comptines-là vont perdurer ou bien qu'elles vont continuer d'être interprétées correctement. Donc, toutes les solutions que j'ai décrites jusqu'ici, elles sont faillibles. Hein. J'ai expliqué pourquoi. Mais au moins, leur analyse a mené à deux constats. Qui oriente finalement les recherches pour la suite. Le premier constat, c'est donc il faut en venir à ne pas favoriser une solution techniquement plus complexe que ne l'est déjà le problème. On voit avec l'exemple des chats bioluminescents que finalement on crée plus de problèmes, hein, en essayant d'ajouter des complexités techniques comme ça. Le second constat consiste à favoriser une solution qui corresponde à la mise en place d'un écosystème signifiant durable. Investir la culture, hein, aller au-delà des simples marqueurs précis, mais donc élargir finalement le message pour qu'il s'infiltre de façon plus générale dans la culture et les échanges humains. Et surtout, il faudrait que cet écosystème-là, la sémiose de cet écosystème-là, c'est-à-dire la reproduction, la transmutation des codes, il faudrait qu'elle fonctionne de manière autonome et autosuffisante. Il ne faudrait pas que des groupes d'humains ou bon, des spécialistes, des experts soient tenus responsables d'entretenir finalement la reproduction des codes, il faudrait que ça puisse être fait de manière autonome, autosuffisante. On verra que c'est à peu près impossible en fait à réaliser, mais on peut essayer au moins. Donc ça mène à la cinquième solution que je voudrais décrire maintenant, qui est finalement qui a été mise de l'avant par l'équipe des laboratoires Sandia, qui est donc un peu après le rapport de Sibiok. Pour cette équipe-là, en gros, leur solution, elle est plutôt générale. La solution consiste à produire, plutôt le message à produire sur les dangers associés aux sites de stockage. On parle ici des sites de stockage nucléaire, évidemment. Là. Ils doivent être déployés sur 4 niveaux de communication. Okay? Donc, on parlait de multimodalité précédemment. Il faut donc créer de la redondance dans le code de sorte à se donner le plus de chances possible pour que le message passe. Hein. Si une des modalités échoue, peut-être que l'autre va réussir. 4 niveaux de communication que je vais décrire bientôt. En fait, tout de suite. Donc, le premier niveau, c'est donc, il est de nature, sa nature, c'est donc des informations rudimentaires. Hein. Genre, ici se trouve une installation, un artefact humain. On n'est même pas en train de dire de quel type est cette installation. Hein. Il faut juste dire, OK, ici, il y a quelque chose que les humains ont fait. Donc, on peut dire que la fonction prédominante, hein, elle est, d'un point de vue sémiotique, elle est indiciaire ou indexicale. Comme pointer du doigt, montrer ici, il y a quelque chose. Donc, premier niveau, le niveau le plus élémentaire. Deuxième niveau, ce serait des informations de mise en garde. Un message du genre, ici se trouve un artefact humain et il est dangereux. On ajoute quelque chose de plus. Et il faudrait que donc, ça se présente sous forme iconique, hein, qu'il y ait une composante visuelle là, qui permette là, de complémenter l'information. Troisième niveau, des informations de nature paramétrique. Donc, quoi, pourquoi, quand, où, qui, comment. Des informations qui décrivent vraiment le type d'activité qu'il y a là, le type de déchets qu'il y a là. Bon. Et donc là, évidemment, c'est une information de nature symbolique, hein, puisque il n'y a pas vraiment de façon de le décrire autrement que bah, avec un langage ou plusieurs langages. Finalement, quatrième niveau, ce serait des informations plus complexes, okay? Des informations techniques, donc des relations hautement détaillées des installations, des tableaux, des figures, des graphiques, des cartes, etc. Donc là, on est plutôt dans le domaine diagrammatique. Donc du mot diagramme, là, des plans, des graphiques, des cartes, etc. Donc là, comme ça, on aurait 4 types de signes, si on veut, ou 4 fonctions prédominantes selon 4 modalités du message, hein, indexical, iconique, symbolique, diagrammatique, qui permettraient de fournir une information plus complète. Et surtout, les 4 niveaux, finalement, ils se présentent aussi selon une certaine hiérarchie, hein, ce qui est le plus pressant, le plus urgent. Les informations rudimentaires, voilà. Ici, c'est une installation humaine et c'est dangereux. Et puis plus ça se complexifie, ben, plus on peut transmettre des informations détaillées. Donc un des exemples que le groupe a donné, là, c'est assez drôle, ce serait une immense pancarte et ça dirait, voilà, c'est en anglais, « This place is not a place of honor », hein, pour pas qu'il y ait de méprise, pour pas que ce soit un lieu de culte. No highly esteemed deed is commemorated here. Nothing valued is here. On peut en douter, là, effectivement, aujourd'hui, là, quand on a des débats sur la possibilité de rouvrir ces sites-là plus tard, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeur. Bon, après, this place is a message and part of a system of message. Hein, quand on disait, c'est important aussi juste de dire, il s'agit d'un message, prenez-le comme tel. Si on est capable de savoir qu'il s'agit d'un message, on peut après s'interroger, bon, pourquoi est-ce que quelqu'un a formulé ce message-là? Puis pourquoi il a pris la peine de le faire, ça doit être important. Pay attention to it. Ah, OK. Sending this message was important to us. Bon, encore une fois, on est en train de donner vraiment des informations rudimentaires. C'est des métadonnées, en quelque sorte, ou un métalangage sur le message lui-même. Et puis, le panneau se terminerait comme ça. We considered ourselves to be a powerful culture. Ce qui est quand même assez drôle aussi, mais c'est pas fou, c'est pas bête, et puis c'est certainement vrai qu'on a cette prétention-là. Et puis après, il y aurait comme ça un symbole justement du nucléaire que nous on sait décoder, mais qui est pas certain qu'eux sauront décoder, avec une flèche qui pointe vers le bas, 700 mètres. Bon, Est-ce qu'ils sauront qu'est-ce qu'un mètre? Qu'est-ce que signifie 700 mètres si on ne sait pas ce qu'est un mètre? Enfin, bon, ce panneau-là pose toutes sortes de problèmes, évidemment, parce que il est en anglais. Aucun des codes employés est immuable. Hein. C'est-à-dire que tout ça peut se perdre. C'est un objet physique aussi qu'il faut entretenir. Ben oui, c'est ça, le panneau va se détériorer, il faudrait le refaire, etc. Donc ça va pas, ça va pas. C'est pas la meilleure solution, mais je trouve que... Ben, je trouve. Le consensus en général est que la redondance de l'information est bonne, elle est à préconiser, mais ça veut pas dire que c'est suffisant. Alors, autre solution, cette fois, est assez étonnante. Elle est proposée par Michael Brill. Brill, il était donc en rapport avec les laboratoires Sandia, et il en est venu à questionner les raisons pour lesquelles il serait nécessaire de transmettre une information rationnelle. Après tout, si l'objectif du dispositif communicationnel, c'est simplement et d'abord et avant tout de repousser tout intrus éventuel, et afin donc d'éviter que le site soit ouvert, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'adresser à ces gens du futur de façon rationnelle? Alors, il suggère qu'on s'adresse directement aux émotions des potentiels intrus, pour instiller chez eux un sentiment de peur, de dégoût, d'inconfort ou de malaise qui serait capable à lui seul de les tenir à distance. Alors, il propose de modifier directement le paysage, donc le territoire là, physique du site et des environs, pour le rendre naturellement rebutant. Et là, il y a des images qu'on ne peut pas montrer à la radio, mais que je peux quand même décrire. Ah, donc, il appelle ça le Landscape of Thorns. Alors, il a fait des dessins. Et puis, c'est un sol aride, d'où sortent de longs pieux, des pics. Ça donne un paysage épineux et ça semble vraiment hostile. On parle de pieux qui seraient hauts comme, je sais pas, 8-10 humains. Donc c'est vraiment effrayant. Du moins, c'est étonnant. Ouais, c'est l'architecture qu'on retrouverait dans un roman d'horreur écrit par H.P. Lovecraft ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et on va voir que, bon, a priori, l'idée est bonne, mais que peut-être, là encore, il y a des revers. Parce que, bon, elle est bonne, parce qu'elle présente l'avantage, cette solution-là, de court-circuiter les niveaux de communication, hein, en s'adressant directement aux émotions plutôt qu'à la raison. Et en général, ça fonctionne. Mais on perd, évidemment, la dimension diagrammatique de l'information, hein, l'information plus technique, qui pourrait... évidemment, ça verrait utile aux ingénieurs du futur, si tant est qu'il y a des ingénieurs dans le futur, qui pourraient leur être utiles s'il fallait opérer quelque chose, là, intervenir sur les lieux pour une quelconque raison. Si, je sais pas moi, il y a une fissure où ça s'ouvre et puis qu'on sait pas du tout ce qui se passe. Imaginons que soudainement il y a une faille volcanique et puis que la lave fasse remonter à la surface des matières radioactives en plus de la lave qui est déjà un peu intense, ben on saurait pas du tout ce qui se passe. Hein. A priori, il devrait pas y avoir de lave. Là, ils choisissent les sites en fonction de leur stabilité, mais bon. Après, il faut dire aussi que pour pas attiser la convoitise, c'est peut-être une bonne solution hein, de tout simplement ne fournir aucune explication sur ce qui se trouve là sous ce paysage horrifique. Mais c'est pas exactement ça que propose Brill avec le Landscape of Thorns. Évidemment, il n'y a aucune explication qui est fournie, mais le paysage qui est modifié constitue en lui-même un marqueur qui est hautement impressionnant et mystérieux. C'est-à-dire qu'il il résulte manifestement pas de force naturelle. Et même s'il était conçu comme résultant de force naturelle, il se pourrait bien qu'en raison de son caractère exceptionnel, il en vienne à être administré comme un lieu touristique. Comme c'est le cas aujourd'hui du Grand Canyon aux États-Unis, par exemple. Et puis donc, dans ce cas-là, le résultat serait directement opposé à celui qui était recherché au départ. Hein. L'affluence touristique s'accommode assez mal du caractère infréquentable de l'endroit. Donc, encore une fois, une solution qui peut pas être retenue à elle seule, du moins. Ça se peut aussi que ça soit reconnu comme un lieu surnaturel, t'sais. Une société de l'avenir qui revient à comme un état plus préhistorique, arrive là et dit « Ah, ça, c'est clairement un dieu qui a fait ça. On va vouer un culte à l'entité qui a produit ce paysage-là. » Ben oui, tout à fait. Ça pourrait. Mais ça ne règle pas notre problème. Alors, solution 7. Percy Tannenbaum était un psychologue behavioriste Et lui, bon, il se démarque, puisque en fait, il propose rien. Il propose que, quelles que soient les mesures qui pourraient être prises pour repousser les intrus éventuels, si finalement ces mesures-là impliquent de laisser des marqueurs, alors, et que ces marqueurs soient invitants ou repoussants, alors la curiosité va toujours être la plus forte. Hein? Si un signe laisse planer une aura de mystère, comme tu l'as bien laissé entendre dans ton scénario, là, des gens vont vouloir le percer à jour. C'est inévitable. Hein? Historiquement, la splendeur, la complexité qui a été mise en place pour cloisonner des lieux ont jamais empêché que ces lieux-là soient pillés. Hein? Des légendes les ont entourés, une autre teneur symbolique peut leur être associée, mais finalement, qui sait de quel danger voulaient nous mettre en garde nos ancêtres par l'entremise des pyramides d'Égypte et peut-être des peintures rupestres aussi? Hein? On ne sait pas. Alors, la suggestion de Tannenbaum, elle est la suivante. Il dit, il s'agit de ne laisser absolument aucun signe distinctif, aucune marque externe, aucune trace des lieux. C'est pas fou, mais bon, c'est peut-être pas la solution la plus responsable non plus. Il faut savoir que actuellement, là, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un site qui est en fonction, un site de stockage de déchets nucléaires en couche géologique profonde. Aujourd'hui dans le monde, il s'agit du site de Onkaloo en Finlande. Il y en a un autre qui est sur le point d'être ouvert, mais bon, il suscite beaucoup de réactions, d'opposition, et on peut comprendre. Il s'agit du site de Cigéo en France, donc à Bure, dont on entend régulièrement parler. Bon, en France, pardon, en Finlande, ils ont l'équipe qui était en place là, pour imaginer les marqueurs et la communication. Ils ont favorisé la solution de Tannenbaum, de ne rien laisser. Bon, évidemment, là, actuellement, le site il est exploité, donc ça se présente comme l'entrée d'une mine, si on veut. Mais lorsque le stockage sera terminé, au terme de sa vie utile, il sera scellé, fermé, recouvert, sans trace, et on n'a pas l'intention d'indiquer quoi que ce soit. Mais il faut savoir que les Finlandais misent sur une nouvelle ère de glaciation d'ici 10 000 ans. Autrement dit, il n'y aura plus personne qui habitera là, ce sera recouvert d'une grosse calotte polaire, et puis bon, après, je ne sais pas moi, dans très longtemps, quand il y aura un nouveau réchauffement, ben à ce moment-là, peut-être que ça vaudra plus la peine, tout aura été oublié. Bref, c'est la solution qu'ils ont préconisée. L'idée de mettre rien, c'est quand même intéressant aussi parce que la Terre, c'est grand, grande superficie. Les chances de tomber sur quelque chose comme ça, au hasard, c'est relativement petit aussi. Oui, seulement si c'était juste à 500 mètres sous terre, ce serait pas pire, mais il y a des tunnels qui remontent jusqu'à la surface, donc on a plus de chances de tomber sur un tunnel que juste sur quelque chose qui serait strictement à 500 mètres sous terre. S'ils sont capables de détruire les tunnels d'accès, hein, les galeries qui mènent là, finalement aux salles souterraines, peut-être que là c'est une meilleure solution. Mais tant qu'il y a possibilité de voir quelque chose à la surface de la Terre, là, ça peut être problématique. Mais effectivement, la Terre, c'est grand, sauf qu'on ne sait pas combien d'humains vont la peupler plus tard. Est-ce que tout le territoire va être saturé ou bien est-ce qu'il y aura une chute importante de la population puis plein d'endroits sur Terre seront inhabités? On ne peut pas le savoir. Mais tu as raison de soulever cette question-là. Bon, ça nous mène à notre dernière solution, ben, disons la dernière que je veux décrire. Et c'est la solution de Sibiok. Alors, Sibiok, lui, évidemment, il s'est nourri de plusieurs des hypothèses qu'on a mises de l'avant avant celle-ci, puisqu'il était en quelque sorte le directeur de la Task Force. C'est lui qui a rédigé le rapport, du moins. Alors, il a beau jeu de prendre les idées d'un peu tout le monde, hein, puis de distiller ça. Alors, lui mise sur la redondance multimodale du message, hein, mais il va nous dire que ça ne suffit pas. Alors, l'idée originale, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'idée originale de Sibiok, c'est de fonder un clergé atomique. Ça peut paraître assez saugrenu, étonnant au premier abord, hein, déjà. Bon, nous, au Québec, on a voulu se débarrasser du clergé, et puis là, bon, ça revient, mais à cause du nucléaire, on est bien embarrassé. Enfin, qu'est-ce que c'est exactement le clergé atomique? Alors, avant de donner une définition, il faut peut-être expliquer comment il en est venu à cette solution-là. Sibiac a remarqué que les éléments culturels les plus durables, les plus résistants au passage du temps dans l'histoire de l'humanité, l'ont été grâce à l'encadrement des institutions religieuses. C'est quelque chose qui est observable, effectivement. Alors, suivant cette observation, sa proposition comprend trois volets complémentaires sur lesquels je vais m'attarder brièvement. Trois volets complémentaires qui, tous ensemble, peuvent minimiser ou éliminer les éventuelles intrusions sur les sites à protéger. Premier volet, investir le folklore, la culture populaire. Deuxième volet, favoriser la superstition. Ah, ça, c'est un peu plus étonnant. Et troisième volet, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, établir des rituels. Autrement dit, effectivement, il faudrait peut-être miser là-dessus. Miser sur la religiosité des humains, leur besoin de rituels. Alors, plutôt que de favoriser une rationalisation du message, c'est sur la mythologisation du message que Sibiok suggère de miser. Alors, dans un premier temps, nous dit Sibiok, il faut investir le folklore. Le folklore, les rituels, les légendes, qui sont des éléments culturels qui vont être exprimés par une ou plusieurs communautés, qui s'abreuvent à des sources mythologiques, qui alimentent des mythes et qui sont les agents d'une sémiose particulière, d'une communication du sens dans la durée. Et une des caractéristiques importantes du mythe, et c'est pour ça que Sibiok mise dessus, c'est que le mythe est apte à traverser les frontières. Il peut être traduit, il peut muter, tout en conservant pour l'essentiel un même contenu de signification. Alors ça, c'est important. Alors ensuite, deuxième volet, Sibiok suggère la nécessité pour produire ce qu'il appelle vraiment une mythologie nucléaire. Et il faut favoriser donc, dit-il, la superstition. Alors, il suggère de créer des récits de peur pour éconduire les curieux loin des sites d'enfouissement. Alors, l'objectif, c'est de réduire les probabilités qu'un intrus pénètre sur les sites, on est d'accord là-dessus. Mais quelle utilité y aurait-il à l'écarter rationnellement s'il est possible de le faire plus efficacement en suivant d'autres modalités? On voit là que ressurgit l'idée de s'adresser directement aux émotions plutôt qu'à la raison. Troisième volet, mettre en place des rituels. Et là, je vais citer un petit passage du rapport qui me paraît bien croustillant. Sibiok nous dit « Un rituel renouvelé annuellement peut être envisagé, avec la légende qui serait racontée à nouveau d'année en année, avec, on présume, de légères variations. La vérité, et il les met entre guillemets, serait confiée exclusivement à ce qu'on pourrait appeler, pour souligner son caractère dramatique, un clergé atomique, c'est-à-dire une commission constituée de physiciens bien documentés, d'experts dans le domaine des maladies découlant de l'irradiation, d'anthropologues, de linguistes, de psychologues, de sémioticiens, et de toute autre expertise additionnelle requise dans l'immédiat ou dans le futur. L'appartenance à ce clergé s'effectuerait naturellement à travers le temps. » Bon, on peut remettre en doute l'idée que l'appartenance au clergé s'effectuerait naturellement. Dans l'article, qui est beaucoup plus long que ce que je peux dire ici, je me suis attardé quand même à cette idée-là, pour montrer comment c'était peut-être possible. Néanmoins, c'est pas ce qui me retient le plus mon attention dans la citation ici, c'est surtout l'idée de mettre vérité entre guillemets, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de créer ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, ou en tout cas une vérité alternative, ou une vérité duplice. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit... qu'une poignée d'experts détiennent la vérité et que le reste de la population soit maintenue dans une ignorance vertueuse. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un secret qui est gardé par une élite. Exactement. Alors, une manière de comprendre l'hypothèse là, de Sibiok, ce serait de dire qu'un groupe restreint d'initiés aurait pour responsabilité de maintenir vivantes les légendes, les rituels, le culte, pendant que la population générale, elle, vivrait dans l'ignorance des enjeux véritables. Et on peut légitimement se demander si un tel culte a des chances de s'installer, d'être adopté, répété, de se maintenir dans la longue durée. Et Sibiok fait lui-même remarquer que les spécialistes du folklore n'ont aucune comparaison historique à fournir, sinon l'exemple bien connu des pyramides d'Égypte et des superstitions répandues concernant les malédictions associées aux sépultures. Mais dans la longue durée, de telles dispositions n'ont jamais empêché ces sépultures d'être vandalisées. Du moins, celles qui l'ont été. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas encore découvertes. Bon, la clé de voûte de la proposition de Sibiok, elle tient dans la redondance de l'information et dans sa multimodalité, je l'ai dit, mais aussi dans sa duplicité. C'est là qu'on peut commencer à se poser des questions. Ben, commencer, on se pose des questions depuis le début, là. Mais disons que ça peut être inquiétant un petit peu. D'après Sibiok, des légendes superstitieuses doivent circuler allègrement, mais en parallèle à ça, il y a de l'information précise et technique qui devrait être déposée de manière permanente dans plusieurs lieux d'archives à travers le monde, hein, qui seraient des lieux connus uniquement des membres du clergé. Donc, il y a vraiment une élite là, éclairée. Des archives là, à travers le monde, on parle de bibliothèques, d'ordinateurs, de dépôts à long terme, etc. Encore une fois, on veut adopter le principe numéro un en archivistique qui est dédoubler l'information. Hein, donc la redondance de l'information permet sa pérennité. Bon, ces deux ensembles d'informations, d'une part, le premier largement accessible et public, mais pas tout à fait véridique, de l'autre, ensemble d'informations à usage restreint et exclusif hein, au clergé, devraient dans tous les cas être mises à jour périodiquement. Et pour ce faire, le message doit aussi comporter un métamessage. Donc, c'est un peu sur le principe du moine copiste qui va, quand les parchemins s'altèrent, il faut qu'il les refasse, ou les codex. Hein. Bon, mais là, ce serait, le moine indiquerait aussi pour le prochain moine qui va reproduire dans, je sais pas moi, dans 1000 ans, oublie pas de faire ça comme ça, ou tu sais, des notes finalement de recopiage. Reproduction? Oui, merci. Voilà. Alors, métamessage. Il faudrait évidemment que ce métamessage soit reconduit à chaque fois et il relèverait de la responsabilité du clergé d'assurer la mise à jour des deux ensembles d'informations. Alors, donc, on voit qu'il y en a une des deux parties de la population qui a la mainmise sur l'autre. Mais c'est le métamessage peut être si il y a un membre du clergé qui est pas gentil, j'ai pas le mot, il peut jouer avec le métamessage s'il veut. C'est sa responsabilité à lui, ou il peut introduire des bruits dans ce métamessage-là ou quelque chose. Il n'y a aucun des messages qui est nécessairement protégé par de l'entropie. Absolument pas. Non, et de la malveillance, évidemment. Et donc, non seulement ça, mais bon, je pense que là, peut-être Sibiok est un petit peu iréniste, là. Il voit pas trop les mauvais côtés dans toute cette affaire, ou les possibles dérives, justement. C'est que, en plus, le clergé, il n'a pas pour seule charge de reproduire, transmettre des informations, mais il a aussi un pouvoir, c'est-à-dire que son rôle est de baliser les comportements, hein. Clairement, le clergé serait chargé de cette responsabilité-là supplémentaire, de veiller à ce que les ordonnances qui sont donc inscrites à même, si on veut, les ensembles d'informations, là, soient observées. Et même, il écrit, si c'est pas pour des raisons légales, alors pour des raisons morales, avec peut-être la menace dissimulée à l'effet qu'ignorer ce mandat équivaudrait à s'attirer quelques châtiments surnaturels. Alors, on voit que le système d'influence qui se dessine, là, il prend un peu la forme d'une pyramide à trois niveaux. Hein. Autrement dit, c'est pas possible pour le clergé de baliser les comportements. Hein. Baliser les comportements, on peut traduire ça par discipliner les masses. Là. Si c'est pas possible de le faire par des moyens légaux, des moyens moraux vont être pris, hein, investis. Donc, on va investir la morale publique. Et puis, si les moyens moraux sont inefficaces, alors on va recourir à la superstition et à des forces surnaturelles, à l'invocation de forces surnaturelles qui pourraient peut-être mieux garantir le succès de l'opération. Bon. En gros, Sibiok dit les moyens légaux vont toujours être privilégiés, mais les moyens moraux et la superstition vont produire sans doute des effets plus durables à long terme. Dans ce cas-ci, les scrupules s'adaptent à la gravité de la situation. En l'occurrence, la fin paraît justifier tous les moyens. Alors, j'ai parlé de clergé atomique, hein, puis j'ai dit que, bon, dans l'idée de Sibiok, il se reproduirait de façon naturelle, on peut en douter. Ça pourrait être pertinent de s'arrêter sur la définition que Sibiok en donne. Hein, pour lui, le clergé atomique, c'est une commission relativement indépendante des courants politiques futurs, je sais pas comment il peut garantir ça, autosélective du point de vue de sa constitution, auto-sélective. Autrement dit, il faudrait que chacun soit volontaire, en quelque sorte. Et commission qui utiliserait n'importe quel dispositif de mise en application de la loi à sa disposition. Bon. Alors, finalement, elle est un petit peu dépendante des états en place ou des formations de pouvoir qui garantissent la mise en application de loi. Ça me paraît hautement volatile dans le long terme. Hein. Et à partir de la description que donne CBA, qui est somme toute limitée, on peut s'imaginer, si on essaie de s'imaginer à quoi ressemblerait ce clergé, on peut s'imaginer que ça correspondrait probablement, ce qui ressemble le plus, c'est finalement une caste. Hein. Si on pense au système des castes en Inde, ça ressemblerait peut-être à ça. Castes dont les mécanismes d'établissement, de maintien, de contrôle du pouvoir sont pas exactement prédéfinis, mais ils se maintiennent dans la durée néanmoins. Pourtant, on sait que l'effet pervers de l'établissement de n'importe quelle caste, c'est que, bien sûr, celle-ci va chercher à se maintenir coûte que coûte, au détriment même de son rôle. Bon, là, pas si on est une caste inférieure, on va essayer de s'en sortir peut-être, quoique parfois on embrasse son destin, dans le cycle du samsara, quelque chose du genre. Mais donc, si une caste a du pouvoir, évidemment qu'elle va vouloir le garder. Hein. Et donc, évidemment, une telle caste n'est absolument pas à l'abri du népotisme. Et ça pourrait évidemment miner sa crédibilité, mais même sa capacité à remplir son mandat. Alors aussi, et on s'approche hein, des dernières considérations, il y a un clivage important qui se dessine ici là, entre basse culture et haute culture. Hein. D'ailleurs n'est pas sans rappeler un Moyen-Âge largement analphabète, dominé par la culture lettrée du Vatican et des différents ordres religieux ou seigneuriaux. Alors je ne sais pas si la scission de la population de cette façon-là est souhaitable, ou est-ce que le problème finalement le commande et que c'est le moindre mal. Bon, on est dans des considérations, c'est-à-dire que c'est très difficile de juger, là. Enfin, un autre problème, et c'est le dernier que je vais mentionner, qui cette fois il est politique, et il n'est pas petit, hein, l'organisation du pouvoir qui se met en place, là, qu'on peut envisager à partir de cette solution, elle est fondée sur un élitisme scientifico-techniciste qui serait doublé d'un culte de l'ignorance, ce qui est assez paradoxal, évidemment. Et puis donc, ce qui est certain, c'est que c'est pas vraiment compatible avec la démocratie, hein, avec le système démocratique tel qu'on le connaît. Alors, évidemment, la démocratie pâtirait d'une telle organisation du pouvoir, d'une telle restriction aussi de l'accès au savoir, puisque dans ces circonstances-là, toute opposition, toute critique pourrait être réduite à de l'hérésie, hein, frappée d'anathème, et donc la critique, évidemment, serait muselée, censurée, et c'est pas pour aider non plus l'autonomie de la population. Alors, on voit la solution de CBA qu'elle n'est pas parfaite, loin de là, mais c'est la plus élaborée, la plus... une des plus flyées aussi, hein, quand on y pense. Parce que... Mais c'est une des plus sensées aussi. Bizarrement, hein, c'est une des plus difficiles à accepter, peut-être, pour nous, puisqu'on vit dans un régime libéral, démocratique, mais si, effectivement, la fin paraît justifier tous les moyens ici, ben, c'est parce que le problème, il est majeur, et il commande peut-être ce genre de solution à long terme. Parce que finalement, l'autre solution, c'est quoi de statu quo, de rien faire? Alors, ben, on peut toujours pelleter ça en avant, puis dire que c'est aux générations futures de régler le problème, mais si on veut effectivement le prendre en charge, nous, aujourd'hui, ben, il faut envisager ce genre de possibilités, du moins. Alors, est-ce que la solution de Sibiac a été mise en place? Non. Mais, dans une certaine mesure, toutes les études et tous les acteurs liés à l'industrie du nucléaire, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux, industriels, etc., œuvrent, malgré eux, à la perpétuation du savoir, en reproduisant, en commandant des nouvelles études, et en reproduisant et en citant les anciennes études, etc. Donc, d'une certaine façon, une partie du travail est en train d'être fait. Le travail qui n'est pas fait, c'est le travail de superstition, de surnaturalisation. Mais disons que pour l'instant, on va dire que c'est correct. En tout cas, j'espère que cet exemple-là, que j'ai essayé de développer là, succinctement, mais pas trop, pour quand même en donner la substance, il permet de mieux comprendre les problèmes associés à la communication dans la longue durée, et puis aussi en quoi ce problème-là, il est fondamentalement sémiotique, et qui commande de penser sémiotiquement. Comment de penser la communication, comment est-ce qu'un message se transmet, comment est-ce qu'un message peut être codifié, comment l'information se perd ou se crée à travers le temps. Et je pense que, en tout cas de mon point de vue, c'est un des exemples les plus parlants pour ça. Et non seulement parce qu'il contient plein de petites anecdotes amusantes comme des chats bioluminescents ou des satellites artificiels ou de la codification biomathématique, science-fictionnelle, des choses comme ça. Il est à la fois donc vraiment versé dans l'imaginaire, mais il découle d'un problème réel, matériel, tangible, qui représente un danger pour nous aujourd'hui sur Terre.